C'est fou! 89. Le plan d'aujourd'hui, assemblage de qui? Alex Marchand vient de parler de sa chronique de la GAUQTR, mais aussi reste pour toute l'émission. Dieu merci! on reçoit aussi quelques invités spéciaux aujourd'hui, donc on va parler de communautaire. On va aussi parler de l'émission de ce soir. Très blues à Cifou, oui, voilà. Oui. Merci. Et on est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières. Je m'appelle Tania Baudin, accompagnée d'Alex Marchand, bien évidemment, comme je viens de le dire. Et vous entendez présentement la voix de Mathieu Plante et moi pour le thème de l'émission qui a été fait par Ludwig Göransson. Alors, merci à eux. Et nous, on débute l'émission en se disant déjà qu'il reste seulement 35 jours avant la fin de l'année scolaire. Okay. Tu le sens-tu, Alex, toi, en tant qu'étudiant? Oui, Colin, un petit peu moins en tant qu'étudiant, mais en tant que président de l'asso, oui, je vois la fin de mandat qui approche, c'est merveilleux. C'est ça, hein? Mais aussi la fin de session, là, oui, ça va être fun, il va faire beau. Déjà, la neige qui va fondre, là, mon Dieu, oui. On discutait tout à l'heure que tu vas nous présenter ta chronique habituelle de la GE. De quoi on va parler un petit peu dans cette chronique-là aujourd'hui? Oh, il y en a pas mal, là, parce que ça fait quand même un bon 2-3 semaines que je t'ai pas venu t'en donner l'état du bras de Mathieu. Exactement. Donc, oui, il va y avoir quand même beaucoup de sujets. Je vais juste te dire ça rapidement. En gros, on va parler de la cuisine de la chaise-galerie qui continue de bien aller. Oh, mon Dieu, oui, hein. C'est bon. On adore ça. Ah oui, la semaine sans oui, c'est non. La campagne électorale qui se déroule présentement. On a eu un CA dimanche passé aussi. Et en plus, la semaine dernière, il y a eu un collègue multidisciplinaire des cycles supérieurs, en plus d'avoir un 5 à 7. Et sinon, c'est ça, je l'ai déjà dit, c'est mon dernier mandat, donc je vais faire un petit éloge de tout ça. C'est le fun, ça. Sinon, qu'est-ce qui t'en vient? Il y a le débat électoral, la période de vote, le billard et le 5 à 7 du personnel, ainsi que l'Assemblée générale. Je vais tout vous dire ça en détail un peu plus tard. C'est le fun. Oui. Puis, tu vas aussi nous faire une chronique complètement différente. Ben oui, pourquoi pas. Complètement par rapport avec la GEUQTR. De quoi tu vas nous parler dans cette fameuse petite chronique surprise-là? Ben oui, écoute, je suis comme plusieurs d'entre les auditeurs, fans de séries télévisées. Fait que je vais vous aider à en trouver de nouvelles, en fait. J'en ai quand même regardé pas mal. Je vais faire une petite critique de ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Puis comme ça va vous aider à choisir une nouvelle série si jamais vous arrivez au bout de votre saison sur Netflix. Ouh, on adore ça. En temps normal, le jeudi, on aurait une grosse pointe à l'adresse, mais comme vous savez, Mathieu et ses prouesses font en sorte qu'on va pas nécessairement faire la chronique aujourd'hui, mais je devrais vous parler quand même de ce qui peut toucher un petit peu à l'alimentation. Je vais revenir sur une dégustation vin fromage que j'ai eu la chance d'aller faire du côté de l'école d'hôtellerie de Trois-Rivières. Donc ça, tout ça dans un bon plan d'émission. On devrait en avoir pas pire pour remplir l'émission complète aujourd'hui. Mais on va commencer l'émission avec un petit peu de musique, parce que je pense que hier on s'est donné la chance de parler un petit peu plus. On avait Sébastien Gartin puis Xavier McLeish avec nous. Donc tout de suite, on va aller écouter Timber avec Sewer Blues. I'll surrender to the fume. It's Timber, Sewer Blues. Une pièce qui s'écoute bien quand même le matin, c'est pas trop agressif. Vraiment pas, je la prendrais pour mon réveil matin, honnêtement. Là. Ah ça, oui, ça hein? Ça sort des vapes, mais ça te garde un peu, tu sais. C'est vrai. Ah, ça serait pas pire. C'est juste assez, mettons, on adore ça. Alex, tu co-animes avec moi, mais tu vas aussi faire ta chronique normale de l'AGE-UQTR, donc c'est parti! AGE-UQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGE-UQTR, parce que l'AGE-UQTR, ça n'a pas d'âge. Yo! Pro! J'en détestais tellement au début cette tune-là, mais je pense que j'ai développé une affection pour. C'est vrai, hein? Ouais, vraiment. Au début, on voulait la refaire. Ouais, ça a pas donné. On s'est dit qu'il fallait la refaire Mathieu, moi et toi en studio un jour en freestyle. Finalement, ouais. On l'a jamais fait. Ouais, non, finalement, ça a pas donné. Trop occupé. Mais on pourrait la refaire, par exemple, après mon mandat, je vais avoir plein de temps libre. Oui, c'est ça. Pourquoi pas? Hein? Exactement. Je pourrais juste être dans le studio pour faire comme ça me sert plus, mais ça serait pas pire. Ouais. C'est vrai. Ok, bref. Tout ça pour vous dire que. Ben en fait, pas tout ça. Il n'y a pas grand-chose que j'ai dit tant que ça à date, mais ça s'en vient, par exemple. Il y a beaucoup de stuff. Ah oh ouais, restez hein, attentifs, vraiment. Mesdames et messieurs. Grosse chronique là, pour la GE. Tabarouette. 2 heures. C'est ça. On fait le 2 heures, c'est la chronique à Alex. Bon, alors, cuisine de la chasse-galerie en premier. Ça va bien, la cuisine. Ah, ça va bien, et tu je dis. Ah, c'est incroyable. Après moi, vrai, les chiffres de Sodexo, l'autre bord, là, ils ont baissé. Ils ont planté, pour vrai. C'est sûr. Probablement, mais tu sais, comme le dit si bien Jonathan Gérard de la Chasse-Galerie, on fait nos affaires, puis ils nous regarderont faire, puis ils feront bien ce qu'ils voudront. Ah, ben, tu sais. Nous autres, on donne la plus de valeur possible aux étudiants, puis je pense que ça fonctionne super bien. Menu, en fait, qui est là quand même depuis un petit bout, une couple de semaines, qui devrait changer d'ici les 7 prochains jours, étant donné que le mois va changer. Mm-hmm. Mais présentement, si vous n'avez pas encore goûté au Pokéball, oh mon dieu, faut hein! Essayez ça, ok? Ça, Kang! C'est ça, là! C'est un sushi déconstruit avec des petites mandarines, genre qu'il n'y a pas de peau, là. Puis des cocombes, du saumon mariné avec du riz. Tu manges avec des baguettes, puis oh! Ah, c'est délectable. Exactement, avec un petit potage du jour. Puis limite, si vous êtes sur place, prenez-vous une McTavish. Là, je l'ai essayé hier. Ce fut une expérience sensorielle incroyable. Okay. Suivi de petits buzz de McTavish. Bref, c'était excellent. Donc, allez essayer ça. En plus de tous nos autres sandwichs, vraiment, c'est, vous le regretterez pas. C'est vraiment très, très bon. Puis c'est pas cher, 5,25. Non, c'est ça. Que, vous ne ruinerez pas en mangeant. Puis les portions sont grosses, là, quand même. On en avait déjà discuté avec la chef de la chasse-galerie qui était venue ici à l'émission. Puis on a su dernièrement qu'on a réussi à lui trouver de l'aide. Oui, parce qu'elle était toute seule au début. Ah non, elle a fait des heures, là, pour vrai. Elle a pratiquement starté Marilyn la cuisine, puis ça a demandé beaucoup d'efforts, mais là, je pense que ça va bien. On est rendu avec deux aides cuisiniers, puis bientôt une troisième aussi. Donc, oui, ça roule beaucoup, puis on est bien contents de ce service-là. Tout à fait. C'est aussi la semaine sans oui, c'est non? Oui, ou c'était la semaine dernière, c'est ça, hein? Exactement, on a eu droit à deux conférences. L'une par Sandrine Ritchie, qui fait partie de du groupe de recherche SIMU, qui ont sorti une étude qui disait, entre autres, qu'une fille sur quatre s'était faite... une personne sur quatre s'était faite agresser sur les campus universitaires dans le cadre de son parcours, puis qu'il y avait vraiment une problématique. Ils ont sorti beaucoup de données sur la question, puis on veut pas dans le timing un peu médiatique, puis l'actualité, ça a eu un impact assez marqué, puis c'est les données qui sont criantes, puis qui permettent justement à l'État de prendre des décisions dans ce dossier-là. Donc c'est vraiment quelque chose de bien, puis on en a su plus sur cette étude-là, ça fut super intéressant. Il y avait aussi des macarons un petit peu partout dans l'UQTR qu'on pouvait prendre comme ça, totalement gratuitement, ou c'est inscrit dessus sans oui, c'est non, on fait le mettre partout sur vous, là, si vous voulez. Oui, exactement. Il en reste encore plusieurs à la GQTR. D'ailleurs, on a aussi des bracelets avec sans oui, c'est non d'inscrit dessus, donc si ça vous intéresse, vous pouvez passer nous voir, on va vous en remettre un, ça va nous faire plaisir. On est aussi en campagne électorale, oui, Alex. Avant ça, il y avait une deuxième activité pour vrai? Il y a eu les brutes à la chasse-galerie. J'ai manqué ça, j'étais triste un peu. Ah, c'est vrai, mais c'était quand même bien, sérieusement. Ouais. Là, ils sont vraiment intéressants à écouter. Puis, à ce prix, ils n'ont pas peur de dire les choses. Non, le pénis, c'est vagin, puis tout ça, je vais le dire à la radio. Là, mais eux autres, correct, ils diraient devant une foule de 5. Il y a quand même une centaine de personnes. Donc, ça a bien fonctionné comme activité. Puis, tu sais, ils n'ont pas peur de dire les choses. Puis, je pense que les gens aiment ça. La franchise, l'authenticité, c'est quelque chose qu'elles avaient. Puis, elles ont quand même abordé le sujet de front, je pourrais dire. Puis, ça fait réfléchir à plusieurs égards. Là. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens? Moi, c'est la question que je me suis posée. Malheureusement, j'étais à l'extérieur du pays, donc je pouvais pas être là. Bon Dieu, okay. C'est ça, j'étais vraiment triste de ne pas pouvoir y être. Mais d'après moi, c'est une conférence qui a pogné, là. Oh oui, vraiment. Ça a pogné plus que la conférence SMU, tu sais. Okay. Étant donné que c'est des personnalités web un peu plus connues. Ben, les gens se sont déplacés pour en plus grand nombre pour voir ça. Puis surtout, c'était à la chasse-galerie. Alors, tu étais déjà là, tu prenais une bière, tu mangeais un nachos, ben ton sandwich. Puis là, c'est comme, en plus, il y a comme une conférence. Puis là, c'était intéressant. Fait que, on va rester. Fait que, tu sais, il y a eu plus de monde, mais c'était quand même super intéressant. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Là, c'est le temps d'en parler parce qu'on est en pleine campagne électorale. Ça fait déjà 2-3 semaines quasiment que tout ça s'est enclenché. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oui, exact. Bien, la campagne électorale qui s'est déclenchée lundi cette semaine. On peut commencer à avoir des affiches un peu partout sur le campus. Les gens commencent à essayer de récolter des votes sur le conseil exécutif. À peu près tous les postes sont comblés, sauf celui de VP Finance et de vice-présidence aux affaires académiques. Okay. Donc, si jamais quelque chose, gênez-vous pas pour aller mettre votre candidature dans les prochaines semaines. Il y a quand même de l'affichage de ce côté-là. Puis les postes doivent être comblés pour commencer le 1er mai. Donc, si ça vous intéresse de gérer, par exemple, la chasse-galerie, vous ne les gérez pas, mais vous les administrez, puis vous avez le nez dans les finances, vous discutez avec les gestionnaires du côté du plan d'assurance collective, du côté de la chasse-galerie, 10-12 et de la garderie Le Petit Bac. Donc, quand même, c'est une expérience de gestion qui est super intéressante. Puis en plus, il y a une rémunération de 950$ par mois pour un poste d'exécutif sur le conseil exécutif. Donc, ça peut être une expérience vraiment intéressante. Je t'invite à le faire. Du côté de la vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle, ben à ce moment-là, c'est un poste qui vous demande un peu plus d'être le défenseur des droits des étudiants. OK. Si vous allez agir à titre d'avocat un peu en allant voir les parties prenantes pertinentes à l'université avec l'étudiant qui s'est senti lésé dans une situation ou une autre, qui doit faire un processus soit de plainte ou de révision de notes. C'est ça. puis ben de l'aider à avoir gain de cause ou simplement d'avoir justice, parce que veut pas, on peut pas tout le temps faire gagner les étudiants. Non, en effet. Mais on peut les aider à ce qu'au moins le processus se déroule de la bonne façon, puis à ce qu'ils puissent s'adresser aux bonnes personnes. Donc de ce côté-là, c'est un poste qui est très noble, puis aussi qui va toucher plusieurs activités du côté des l'étude, ben pas de l'étude, mais du côté un peu plus académique, okay. Du côté aussi un peu plus du travail en général. On a fait cette année pour la première fois le 5 à 7 sur l'emploi étudiant sur le campus, qui a été une activité qui a quand même bien fonctionné. On avait fait venir le vice-recteur aux ressources humaines de l'UQTR, qui avait d'ailleurs fait une conférence, puis on l'avait organisé en collaboration avec l'ASTRE, qui est le syndicat des travailleurs étudiants de l'université. Mmh. Fait que ça avait quand même... il va y avoir beaucoup de développement vers ça l'année prochaine, parce qu'on voit que le travail puis les études, c'est un besoin criant pour les étudiants. Mmh. Donc, le vice-président aux affaires académiques va vraiment être un poste clé au courant du prochain mandat puis des mandats subséquents. Donc, c'est important vraiment que ce poste-là soit comblé. Donc, on vous invite à poser votre candidature. Passez nous voir à la GEQTR. Ça va nous faire plaisir de vous donner plus de détails puis un formulaire de mise en candidature si jamais ça vous intéresse de venir participer à tout ça. Tu disais que les postes devaient être comblés avant le 1er mai. Qu'est-ce qui se passe s'ils ne sont pas comblés? En fait, les postes vont rester en élection partielle, donc l'affichage va continuer de se faire. L'affaire, c'est que le 1er mai, on a un cas de transition où les anciens officiers discutent avec les nouveaux un peu, puis ça permet de faire une transition des dossiers, une transition des tâches, puis t'sais, que tout se fasse bien. Parce que la plus grande faiblesse du mouvement étudiant, c'est les transitions à chaque année. C'est sûr, versus hein? l'administration qui sont là pour 5 ans souvent. Fait que t'sais, ça vient créer une espèce de petit peu plus d'instabilité de notre côté. Donc, c'est vraiment important qu'on fasse bien les transitions pour permettre de bien fonctionner. Good! Donc, vous avez compris, allez mener votre candidature à la GE, tout oui. simplement. Exactement. On a aussi eu droit à un colloque multidisciplinaire sous le style de 5 à 7 pour les cycles supérieurs. Oui, exact. Mais tout d'abord, il y a eu le colloque multidisciplinaire où plusieurs étudiants ont pu présenter leurs recherches, leurs thèses à d'autres étudiants. Ça a été vraiment un super bel événement. Les présentations étaient incroyables. Les gens se sont donnés. Puis vraiment, c'était super. Super le fun à voir. Ça a été suivi par un 5 à 7 vin fromage ensuite qui a vraiment été délicieux. comme ça doit, hein? Une belle variété de vin en plus des fromages qui étaient sur place avec le pain et tout. Merci d'ailleurs au... on ne m'appelle pas exactement du autre. Je reviendrai tantôt. Ah oui, c'est le coureur des champs. Okay. Vraiment qui oui, si vous avez besoin d'un traiteur, honnêtement, là, ils font vraiment du très bon, très bon stock, sérieusement. C'est excellent. Coureur des champs. Oui, exactement. C'est tout proche de l'université. C'est par les étudiants de l'université en histoire. En plus, donc si vous voulez les encourager, vous avez besoin d'un service. Ils font du stock vegan en plus, si vous en avez besoin. Bien. Donc, si vous avez des besoins particuliers de ce côté-là, je pense qu'ils font du sans gluten aussi, je me rappelle bien. Donc, si vous avez un petit peu plus besoin d'un traiteur niché, ils sont là, puis en plus, ils sont pas trop chers. Fait que c'est vraiment super le fun pour ça. On adore ça. C'est le temps de faire tes louanges, Alex. Oui. Ton dernier mandat. Exactement. Donc, j'ai pris la décision de ne pas me représenter l'année prochaine, étant donné que, tu sais, comme tout le monde, je suis. Son bac, quoi, c'est ça. Exactement. Puis c'est ça. Donc, j'ai pris la décision, après beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions, de ne pas me représenter puis peut-être de passer à autre chose, d'un peu plus choisir mon implication à place de me la faire imposer un peu. Parce que je veux pas, c'est un peu ça le poste de président de la GEQTR aussi. Ça l'implique de devoir être présent beaucoup, de devoir peut-être un peu négliger ses études parfois même, d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres. Donc, je pense que je vais peut-être prendre ça un peu plus off l'année prochaine, puis c'est vraiment me concentrer sur ses études, peut-être faire une maîtrise ensuite. En tout cas, on verra rendu là. Ouais, mais c'est ouais, fait que je vais peut-être même, honnêtement, je pense, parce que ça m'a donné le goût de faire de la radio, genre faire la chronique de la GEQTR. On verra, ça se pourrait. Ah, mais t'aurais plus de temps, donc tu pourrais venir le faire. Exactement, j'aurais le temps de préparer et tout. Fait que peut-être, qui sait, peut-être qu'on va se revoir très bientôt. Mais on adore ça. Oui. Pour les prochaines semaines, ou du moins avant la prochaine chronique, on devrait avoir droit au débat électoral de la GE. Oui, le débat électoral de la GEQTR qui se déroule le 27 mars, donc lundi à 15h. Ça va se dérouler à la Chasse-Galerie. Venez voir, honnêtement, parce que le débat électoral, ça va vous permettre de voir chacun des candidats, de leur poser des questions, de savoir pourquoi ils devraient être élus à leur poste. Parfois, il y a certains postes aussi qui sont en élection, donc il y a deux personnes qui se présentent. Mm-hmm. Donc, tu sais, pour faire votre choix, ça peut être vraiment une très belle occasion d'en savoir plus, puis de faire un choix éclairé, parce que c'est veut pas les personnes qui vont occuper les postes à la GEQTR pendant la prochaine année. Donc, c'est important de choisir la bonne personne pour le bon poste. Donc, je vous invite vraiment à venir vous faire une tête, comme on dit, puis à venir profiter un peu du moment aussi. Pourquoi pas une bière à la main encore? Ah, tout le temps, tout le temps. La fin de mandat approche, ma consommation de bière augmente, là. Fait que... ça se peut que j'aborde le sujet un peu plus. Oh. Mais bref, le débat va se dérouler puis ça devrait être super intéressant. Qui dit débat électoral dit période de vote automatiquement. C'est un va pas sans l'autre. Exact. La période de vote qui débute à la fin du débat. Okay. Donc vous allez pouvoir aller sur votre portail étudiant. Il va y avoir une section à droite à peu près. En tout cas, c'est sur la page d'accueil. Vous allez pouvoir cliquer dessus, rentrer votre code permanent, votre CPE. Je sais pas pourquoi code permanent d'accès, en tout cas. Ouais. Rentrez vos informations. Vous allez avoir la fiche de vote avec un petit texte, la photo de chaque candidat pour chaque poste. Puis vous allez être en mesure de voter. Vous allez avoir jusqu'à vendredi le... Je vais regarder mon calendrier. Le 31 mars, qui est ma fête d'ailleurs. Fait que vous allez pouvoir faire ça. Puis justement, voter pour le prochain exécutif. Allez le faire. C'est important, ouais, sérieusement. Ouais, c'est sûr. Même si vous décidez que vous voulez vous abstenir sur un vote, vous savez pas trop pour qui, faites-le quand même. Faut qu'on démontre qu'on est là, les étudiants. Ça a un impact. Puis vous voulez pas, c'est. Si plus il y a de gens qui votent, plus ça démontre que les étudiants sont mobilisés. Puis plus ça donne du poids à la GEQTR dans les revendications qu'elle va effectuer. Ça prend 2 secondes. Puis ça. Ça permet de travailler plus facilement pour la représentation surtout, puis un paquet de trucs comme ça. Donc, faites-le, ça vaut la peine. Dans les prochains jours, activité de billard? Oui, activité de billard qui va se dérouler au 10-12. La GE en collaboration avec le SAE qui organise ça. C'est organisé par Michael Saint-Pierre qui est vice-président aux affaires associatives et à l'environnement. C'est pas le nom exact de son poste. Mais... C'est beaucoup plus long que ça, mais on en a fait un shortcut. Ouais, mais en fait, on l'a même rallongé son nom. Oh mon Dieu. On va le rallonger. On a une assemblée générale que je vais parler un peu plus tard. Puis on change les règlements généraux. Puis l'environnement va être changé pour développement durable, fait que son nom va prendre 2 paragraphes à écrire, ça va être merveilleux. Ça va être le fun, sa petite plaquette à côté de la porte. Oui, exactement. J'essaie juste de retrouver la date. Je vais te revenir pour la date de l'activité billard, parce que je suis pas capable de la trouver en ce moment. Mais bref, on va passer à l'Assemblée générale tout de suite. Ben oui, pourquoi pas. Qui va se dérouler le 29 mars à 10h30. Celle-là, vous avez tous levé de cours, donc c'est important de venir, encore une fois, parce qu'on va prendre des décisions importantes, entre autres par rapport à nouveaux règlements généraux de l'organisation, ce qui fait en sorte que on va devoir les voter, on va devoir décider de tout ça ensemble. Mm-hmm. Puis faut qu'on soit un minimum de 60 personnes, mais le plus on est, le mieux c'est, parce que c'est ce qui va conférer des pouvoirs aux différentes instances, c'est ce qui va avoir un impact majeur sur le fonctionnement, puis c'est un peu l'épine dorsale de l'association. Donc venez prendre au moins un petit 3 heures pour venir avec nous autres en discuter. Limite, si vous êtes pas d'accord avec nous, vous nous direz pourquoi, puis peut-être même faire changer les choses. C'est important que vous soyez là, encore là, il faut démontrer une mobilisation. Donc venez nous voir. Puis ça, vous avez le cours, fait que vous avez pas... Ben, ça se peut que vous ayez quelque chose de super pressant, un travail, vous devez monter, je ne sais pas où. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à venir nous voir au moins pour en profiter, parce que vous avez levé de cours expressément pour ça. Donc, c'est grâce à nous, fait que vous pouvez rendre l'appareil aussi, ça serait bien. Ça se passe du côté du 10-12, ça? Oui, exactement. Excellent. Par la suite, 5 à 7 du personnel? Oui, 5 à 7 du personnel qui va se dérouler de 5 à 7 mercredi prochain. Donc, je pense qu'on tombe le 29 toujours. Donc, le même jour que l'AG. Donc, vous pourrez même presque partir de l'Assemblée générale puis traverser à la chaise-galerie pour manger de la pizza puis boire de la bière. C'est ça. Encore une fois. Encore. Je l'ai dit, la fin Alex, de mandat Alex, t'es en fin de mandat. Donc, c'est ça. Ça va permettre quand même tout ça. Je viens de retrouver la date pour le billard. C'est le 28. Que d'accord. Ça va se dérouler au 10-12, donc vous allez pouvoir venir jouer au billard. Puis si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à contacter Michael Saint-Pierre, encore une fois, au vpasso.age, à commercialqqtr.ca, pour vérifier s'il reste encore des places, parce qu'il y a des prix super intéressants à gagner. On parle de presque le prix d'une session pour les gagnants du tournoi, là, une session payée, ou à peu près. C'était ça à la base, mais je sais pas exactement comment ça a terminé. Je sais qu'il y a eu peut-être une petite problématique de ce côté-là, mais il y a quand même des prix assez élevés à gagner cette journée-là, donc... Essayez-vous. On adore ça. Vaut la peine si vous êtes bon billard, si vous êtes un professionnel. C'est ça, exactement. Si vous avez des skills à billard, ouais. Si vous avez passé votre vie au 7,55. Oui. Est-tu fermé, 7,55? Je sais pas, hein. Je me pose tout le temps la question quand je passe devant. Ça a tout le temps l'air fermé à moitié. Mais ça, c'est dans le centre-ville, pas loin du temps d'une pinte, ou c'est-tu celui-là? Non. OK, je mélange de bord. Ça, c'est le pub Notre-Dame. OK, mais ça, il est fermé, pardon. L'ancien Belize. Ouais. ce qui a juste changé de nom, en fait, parce que si tu regardes à l'intérieur, tout est encore pareil. Ah ouais? Oui. Ben, c'est quand même beau comme place, c'est ça le problème, mais on dirait que les gens font comme, bah... Parce que ça arrête pas de fermer. Ouais, des fois, vrai. C'est comme local à louer ou whatever, je sais pas trop. Là. Mais c'est triste. Mais quand ça avait débuté il y a quelques années, c'était gros. Là. C'était tout en plein. C'était l'endroit où les gens allaient, entre guillemets. Puis là, à un moment donné, ça l'a arrêté. peut-être que le billard a eu un déclin de popularité. Ouais. Je ne sais pas. Je pourrais que vérifier au scratch de repartir. Non, c'est pas au scratch. Au scratch, il y en a beaucoup aussi. Puis c'était quoi les jeux? En tout cas, il y en a un autre. Le Chivas. Ah, c'est bref. Ça, c'est, oui. C'est mes années de cégep qui remontent. Ah, les années de cégep. À peu près juste ça à faire quand tu veux sortir à repartir, jouer au pool. Fait que tout le monde y va. Ouais, c'est ça. Et puis que le Saint-Maurice. Le Saint-Maurice a brûlé. La Ripaille a brûlé. Le, tout ce qu'il y avait de club a brûlé à repartir aussi. Bref. Mon Dieu, c'est. Non, c'est trash. C'est, ouais, hein, c'est agressif un peu. Oui, quand même. C'est ça. Ouais, puis les aspirés, il y avait aussi une coupe de pizzeria un moment donné, en tout cas, bref, qui avait brûlé. Fait que, non, il y a comme, il y a beaucoup de feu. Ah, mon Dieu. Pourtant, c'est une ville tranquille, mais. Mais c'est ça, je me dis, tu sais, tu passes à Repentigny, tu passes pas à. Non, tout le ça. Monde met tout en feu. Là, non, c'est ça, exactement. Mais peut-être que le monde aime ça se faire des guimauves. Fait ouais, que... c'est ça. Il y a un pyromane qui court partout. Depuis des années. C'est tellement familial comme ville, tu sais, avec les enfants, tu sais. C'est on ça. On peut se faire que des guimauves. Non, c'est juste un peu triste, là. Ouais, c'est sûr. Ah, mais bon. Au retour, Alex, parce que tu vas rester avec nous. Tu co-animes l'émission au grand complet avec moi. Oui. Donc, je suis très contente. Merci en passant. Ça fait plaisir. Mais au retour, on va parler communautaire. Ouh, yeah. Ouh, que oui, j'ai bien hâte. Vous êtes assez fous. 89.1. Si la vie c'est de la marde, ben j'ai fourni en laxatif. Puis si l'amour pousse dans les arbres, pourquoi qu'on est aussi craintif? Si McDo mène le monde, ben je vais prendre un trio, un condo, un char pis une blonde pour qu'on puisse se prendre en photo. Nos soirées sont un peu poches, puis nos nuits sont remplies de rêves. Y'en a des petits, y'en a des croches, puis moi je rêve à René Lévesque. Y'en a qui font des métaphores, genre la vie c'est un chemin. Moi je pousse mes gags de marde un peu trop loin. Un peu trop loin. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. J'suis un peu perdu, mais y'a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors. Ça fait longtemps que je voulais te dire ça. Ça fait un bon moment, en fait ça fait 2 mois. Sur une scène, je suis tellement bien devant des millions de gens. Mais devant toi, c'est fou de voir à quel point je suis pas pertinent. Je t'ai écrit une chanson, mais j'ai pas trouvé de titre. J'ai voulu mettre ton nom, mais je sais que c'est pas fantastique. Fait que ça fait une couple de jours que j'ai de la misère à me coucher. Je suis tombé en amour, puis ça me fait un peu chier. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y'a Facebook pour me rappeler avec qui tu sors. Si la vie est heureuse, c'est parce que je leur ai fait ben rire. Le présent est négligent, mais j'ai encore peur de l'avenir. C'est pas ben beau, c'est un peu sale, on est-tu ben à Montréal? Une petite guitare, 2-3 pétards, pour moi c'est ça le monde idéal. Des décisions, des auditions, les bons amis, la jalousie, la déception, l'admiration. Mais j'ai pas le temps, faut que j'étudie. Pour être quelqu'un, pour être quelque chose, faudrait que je me botte le cul. Pour finalement mourir chauve, qu'on soit tout un peu déçus. Un peu déçus. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais il y a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, accompagné de Tania Baudin en remplacement de Mathieu Plante, qui lui a fait des prouesses sur la glace. Et Alex Marchand. Exactement. Et Alex Marchand qui a décidé de prendre mon rôle aujourd'hui, de co-animer à ma place. Oui. Merci Alex. Ça fait plaisir. Vous merci venez à toi ben, pour fait plaisir. Vous venez d'entendre dehors d'Émile Bilodeau. Je l'ai fait jouer parce que Alex, vous auriez dû l'entendre. C'est un fan invétéré. Exactement. On aurait pu ouvrir les micros puis vous n'auriez pas vu la différence entre Émile Bilodeau et la connaissance de la chanson d'Alex Marchand. l'argent. J'ai entendu avant qu'elle soit populaire. Là. C'est ça, exact. on a discuté avant la pause et avant la pause musicale qu'on allait jaser un petit peu de communautaire. On a un invité avec nous en studio, Samuel. Bonjour. Salut Tania, salut Alex. Content de vous voir ce matin. Ben oui, on est très content que tu sois parmi nous. Tu viens de nous parler de le communautaire, c'est salutaire. C'est un événement qui se passe aujourd'hui, ça. C'est comme oui, là, là. Absolument, ce froid glacial de jeudi 23 oui, mars. On a une cinquantaine d'organismes communautaires qui se présentent sous nos murs, à l'intérieur de nos murs, oui, aujourd'hui. C'est une initiative étudiante qui a été lancée il y a 3 ans. Mm-hmm. 3e édition cette année. On a triplé le membership de la première année. Wow. Et heureusement, on a réussi à garder ça gratuit pour tous. Donc, les gens qui viendront visiter aujourd'hui, c'est gratuit pour eux, les organismes aussi. OK. Donc, on a des bons partenariats, mais ça nous permet de faire ça chaque année de plus en plus grand, de mieux en mieux, on l'ose espérer, et d'avoir tout le monde ici. Là. Et cette année, comparativement aux autres, c'est qu'on fait ça au local 10-12 du pavillon étudiant. OK, ouais, ouais, ouais. Donc, à quelques pas de vous ici en studio. Et donc, on est vraiment là, au cœur du milieu étudiant là, pour l'événement cette année. Dis-nous, c'est ouvert à tous. N'importe qui peut venir faire un petit tour aujourd'hui et regarder tout ça? Oui, c'est ça le but. En fait, c'est un lieu de rencontre entre les milieux communautaires et les milieux universitaires. Okay. Donc, on veut vraiment que les valeurs communes qui sont partagées entre les individus soient partagées là, de façon simple et sans fla-fla. Donc, les organismes vont se présenter à 10h ce matin et ils vont, ça va être sous forme de kiosque. Donc, okay. les gens vont se présenter sur les lieux, vont se promener, vont parler un peu à tout le monde, mais ils vont être, s'ils sont incertains un peu d'où aller, on va avoir des bénévoles et les membres du comité qui sont sur place pour les diriger là, à l'intérieur de l'activité. Plus tard en journée, c'est notre petit côté un peu communautaire... profond et ouais, on prend ça. À cœur, c'est qu'on fait des groupes de discussion. Okay. Donc, on prend ces mêmes organismes-là, on ferme les kiosques, on prend un petit cocktail en attendant, puis une fois qu'on est prêt, on invite tout le monde à venir à des discussions. C'est sûr que c'est sous forme, il faut s'enregistrer d'avance, oui. Mais on prend les arrivées de dernière minute, on va essayer de former des groupes supplémentaires s'il y a quelque chose. Et là, on échange sur les problématiques du milieu communautaire. Et on partage vraiment, donc, ceux qui ont des formations théoriques mm-hmm. à l'UQTR, ben là, ils vont pouvoir se rendre compte à travers cette discussion-là que leur connaissance peut s'appliquer à différents milieux, mais là, directement par l'échange avec d'autres individus. Et je pense que c'est un des faits les plus marquants de la journée, c'était cet échange-là mm-hmm. Qu'on recherche. Donc, on est chanceux parce que ces organismes-là, vous savez, des fois, ils se déplacent ici, ils sont peut-être 4 ou 5 au bureau et ils ouais, sont 2 ça. Ou 3 ici aujourd'hui. Donc, il y en a même qui ferment boutique pour venir nous voir. Wow, OK. Donc, je pense que c'est notre responsabilité de donner le plus qu'on peut pour les accueillir de la meilleure des façons. Ben, tu le disais tout à l'heure, 3e édition, on a triplé en 3 ans. Est-ce que ça veut dire que le communautaire est de plus en plus populaire ou les gens ont cette connotation-là que le communautaire, c'est important finalement? Ben, je pense que le communautaire, c'est notre filet social à tous. C'est une des, je pense, des institutions sociales les plus importantes parce que c'est le dernier filet qui nous rattache... tous ensemble, et c'est des valeurs qui sont très humaines, très naturelles, et c'est un milieu qui est souvent mal compris mm-hmm. et mal financé. Ouais, c'est oui, oui, c'est vrai, disons-le. Nous c'est ne vrai. Serons pas de trop politiques ce matin. Non, c'est ça. On va se perdre. Il fait trop froid pour ça, les gars. C'est déjà assez glacial c'est comme ça. Mais la politique aussi, c'est froid, faut qu'on ouais. soit correct. Vu comme ça. Donc, oui, c'est... Le fait de les avoir ici comme ça, ça nous permet d'échanger avec eux. Et je pense qu'eux aussi, ils nous le disent à chaque année, ils se retrouvent gagnants de cet mm-hmm. échange-là. Et tout le monde, au final, a une meilleure compréhension de ce milieu-là. Et je pense que, tu sais, on est à l'UQTR parce que l'éducation, ça nous tient à cœur. On exact. Veut parfaire nos connaissances. Eh bien, c'est la meilleure façon, je pense, de sensibiliser les gens, c'est de les éduquer, mais pas de façon très paternaliste. On les invite et on échange librement l'information. Et c'est comme ça, je pense, qu'on grandit ensemble et que ces valeurs communautaires-là vont être véhiculées de la bonne façon. Dis-moi, est-ce que pour cette édition-ci, 3e, le comité a un objectif en tête pour l'événement d'aujourd'hui? À quoi vous attendez là, de l'événement aujourd'hui? Mais je pense que le passé nous aurait montré qu'avoir des mm-hmm. objectifs trop spécifiques ne nous apportera pas vraiment, mais je pense qu'on s'attend à être surpris, comme à okay. chaque année. Et notre objectif, À la base, c'était vraiment de créer un setup dans lequel tout le monde serait à l'aise et d'avoir le plus de gens possible. Donc, c'était vraiment notre prémisse parce que pour le reste, l'être humain va faire le reste des choses. Les gens vont communiquer et développer des liens. Et si un bon partenariat naît de ce qu'on fait aujourd'hui, ce sera déjà assez, mais on s'attend beaucoup plus que ça quand même. Donc on le répète, c'est du côté du 10-12. Fallait s'inscrire, mais on prend les derniers arrivés là, comme ça. En fait, pour ce qui est des kiosques, c'est vraiment bienvenue à tous. Okay. Il y a beaucoup, beaucoup de gens de l'extérieur qui seront sur place aujourd'hui. Donc pour ceux qui passent devant l'UQTR, qui sont dans le coin, moyennant le fait qu'ils réussissent à se trouver un stationnement à l'UQTR... <c'est ça. rire> Bonne chance! Bien, ils pourraient tout simplement débarquer ici et venir faire un tour. Et s'ils ne savent pas exactement c'est où, on a des bénévoles placés à plusieurs endroits okay. à l'intérieur du pavillon étudiant, donc le pavillon Néré-Beauchemin. Et donc, ils n'ont qu'à demander à une personne en t-shirt blanc marqué « bénévole communautaire, c'est salutaire » et ils se font diriger dans la bonne direction. Excellent. Oui. Alex? Oui. En fait, je trouve ça le fun comme activité, sérieusement, parce que, tu sais, comme tu parlais, l'échange avec le milieu qui permet aux étudiants d'en savoir plus. J'ai d'ailleurs entendu Robert Ricard, le président du conseil d'administration de l'UQTR, en discuter un peu dernièrement lors du gala des Pythagore. C'est vraiment une approche vers laquelle l'université veut aller, justement, de ramener les milieux, que ce soit le milieu des affaires, que ce soit le milieu communautaire, puis que les étudiants sont en mesure d'échanger avec eux, puis de savoir comment ça se déroule sur le terrain. Fait que, tu sais, c'est la troisième édition, mais je peux continuer, honnêtement, c'est vraiment une très belle activité, puis je trouve ça le fun que ça continue de se faire, puis que ça prenne de l'ampleur en plus, c'est vraiment... Félicitations. Merci beaucoup. Puis tu diras à toute ton équipe aussi. On va partager ça aujourd'hui, mais je suis content de savoir que ça se parle à l'intérieur des murs, parce que vous savez, des fois, ces membres-là des équipes de direction de l'UQTR, c'est un travail politique, ils sont un peu partout, on communique avec eux, mais parfois c'est dur de savoir vraiment qu'est-ce qu'il y en a avant d'avoir fait plusieurs éditions qui comprennent vraiment la nature des choses. Et c'est un projet étudiant, mais c'est dans les murs de cette université-là. Donc on tient à l'implication de tout le monde là-dedans, puis je pense que c'est comme ça qu'on va de l'avant, parce que les valeurs, c'est pas nous qui les inventons, elles sont là. Donc on fait que les mettre à l'avant. Et du côté du communautaire, on voit vraiment plein de domaines différents. Là, comme aujourd'hui, on va pouvoir voir du domaine de la santé, de l'éducation, sciences, tout ça. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. Là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui arrive ici, qui décide de visiter les kiosques. Automatiquement, on va avoir quelque chose à raconter et discuter avec les gens qui vont être présents. Absolument. Souvent, on pense milieu communautaire, santé mentale... problématiques de pauvreté, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on a aussi des initiatives beaucoup plus coopératives, d'entraide. Souvent, ça nous ramène à des situations plus pratiques. C'est pas seulement des problèmes, mais vraiment des solutions aussi que ces organismes-là apportent. Donc, c'est intéressant, on se promène, puis on s'informe tranquillement des choses qui existent comme ça. Puis souvent, ça mène à des implications surprenantes. Donc, venez faire un tour, ça vaut la peine. On le répète, journée en deux temps. Donc, au début de la journée, ça va commencer dès 10h au 10-12, pavillon Néré-Beauchemin. Et par la suite, en après-midi, c'est vraiment plus sous forme de conférences, discussions. Comment tu... On évite les conférences cette année. Parce que, généralement, on a un public déjà vendu au sujet, mais ce qu'on essaie d'aller chercher, c'est vraiment une discussion libre avec les gens. Donc, on nomme un sujet... Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, le sujet débarque éventuellement. Oui, c'est ça. Il y a une dynamique de groupe qui s'installe, donc venez faire un tour. Ces discussions-là, c'est toujours surprenant. Bien, Samuel, merci beaucoup d'être passé en studio pour nous parler de cet événement-là, qui, comme tu le disais, chaque année, laisse les gens quand même assez surpris de la popularité de ça. Donc, on va aller faire un tour, ça, c'est sûr et certain. Dès 10h au pavillon Néré-Beauchemin, dans le 10-12, il va y avoir beaucoup de gens, beaucoup de kiosques, et vous allez trouver quelque chose qui va vous faire plaisir, ça, c'est sûr et certain. Oui, merci. Merci. Merci, Tania. Merci, Alex. Bonne journée à vous. Bonne journée. Donc, comme le disait Samuel, le communautaire, c'est assez important. Au retour de la pause musicale, on va avoir un autre invité. Parce que oui, aujourd'hui, mon Dieu, je pense que c'est la journée où on a le plus grand nombre d'invités. C'est assez, assez fou, merci. Mais on va discuter avec un des... oui, Tania, t'as raison. Alex remplace Mathieu Plante aujourd'hui. Donc, on va discuter de ce qui va se passer un petit peu plus tard dans la soirée, dans l'émission Très Blues Assez Fou avec Denis Baudin, qui en passant vient de prendre sa retraite. Je devais le mentionner. Donc, on va aller écouter Bronco avec Falling Free. Et au retour, on discute blues. Bronco Falling Free, une pièce que ça fait déjà quelques fois que je fais jouer en remplacement de Mathieu Plante et j'adore ça. Honnêtement, je peux pas dire que j'aime pas ça, cette tune-là. C'est bon, je trouve que ça s'écoute bien à n'importe quel moment de la journée. Donc, vous, messieurs, est-ce que vous avez aimé ça? Oui, j'ai adoré. Ah, oh, c'était incroyable. C'est Alain Lefebvre doit adorer ça. C'est proche de Rush, ça ressemble à du Rush. Oui, quand même, un peu. Donc, hein? Alain Lefebvre doit aller. Bonjour, les amis. Oui. Bonjour. En studio avec nous, Denis Bourdin qui est arrivé comme ça. Comme un cheveu sur la soupe, là. Non, mais... Il y a des soupes à la chasse-galerie. Alex, faut qu'il bloque la chasse-galerie. J'ai une affiche publicitaire. C'est ça. Croisez-moi pas dans le corridor, je vais vous offrir un café. Ça ou une bière en fin de mandat. Oui, c'est ça. Ça dépend de l'heure. C'est bon avant midi. La bière, ça va être correct. Ouais. C'est ça. Denis Bourdin, animateur de Très Blues, assez fou. Ce soir, tu vas être en onde de 19h à 22h. De 19 à 22, comme tous les jeudis, en reprise le dimanche de midi à 15h. Exactement. Qu'est-ce qui nous attend ce soir? Ben, ce soir, on va vous parler de Chuck Berry. Chuck Berry qui est décédé en début de semaine. Steven Hubert a préparé un long processus pour parler de Chuck Berry, ses influences, d'où il vient, les influences qu'il a eues sur le blues. Steven m'a fait parvenir sa chronique parce qu'à la dernière minute, Steven a dû se rendre à l'extérieur de la ville pour son travail. Ah non! Alors, je vais jouer au Steven ce soir. Je vais vous faire croire que je suis un historien de formation. C'est ça, exactement. Et on va parler de Chuck Berry. On aura aussi un nouvel invité en studio, Renaud Bégin, qui va venir nous présenter le spectacle qu'il est allé voir. Renaud, qui n'est pas un amateur de blues. Okay. À la base, qui est un amateur de spectacle. Donc, il est allé voir le spectacle de Dantley Watson à l'amphithéâtre Cogeco, au cabaret de l'amphithéâtre en fin de semaine. Et il va venir nous dire comment il a trouvé ça, comment il a trouvé l'amphithéâtre, comment il a trouvé le spectacle, comment il a trouvé Dantley Watson. Parce qu'il faut se rappeler que Dantley Watson a quand même gagné la meilleure chanteuse de blues au monde en janvier. Donc, et c'est une fille du Québec qui s'est établie au Québec. C'est une fille de l'Ontario établie au Québec maintenant, qui chantait à Trois-Rivières ce week-end. C'est vrai, nouveau chroniqueur, est-ce qu'on va le voir assez souvent dans votre émission? On le verra pas, on va l'entendre. Ouais, ben c'est vrai. Ouais, bon, okay. Les caméras dans les micros, c'est ça. C'est parce qu'en Asie, on a la caméra 3, je tiens à répéter, donc si vous êtes en Asie, vous faites nous voir. Là. Oui, c'est là, parce que je remarque que tu as des choses à me lancer autour de toi. Ah ouais, c'est ça. Non, mais Renaud, il va vivre sa première expérience radio, il va apprivoiser le micro, mais à mon avis, on devrait revoir dans les prochaines émissions et autour de la prochaine saison... entendre Renaud à quelques occasions, mais toujours dans cette optique d'aller voir un spectacle et nous en parler. OK. Alors, et Patrick Boucher sera là pour son agenda culturel vers le début de la deuxième heure. Excellent, merci beaucoup. Bienvenue. C'était juste ça que tu avais à nous dire? Ben oui, je suis venu faire de la promo. Ah, c'est ça, c'est de l'auto-promo bien plugué, ça là. L'auto-promo et aussi me promotionner comme nouveau retraité, comme tu Exactement. Disais. Donc, est-ce que ça veut dire que tu vas mettre plus de temps du côté de la radio? du temps, qu'est-ce que c'est du temps pour un retraité? Ben oui, hein, parce que c'est vrai, tu tombes à la retraite, Mais je pense que tu vas être plus occupé que quand t'étais... Tout à fait, j'ai beaucoup de projets, mais comme disaient certains politiciens, j'ai écrit ça à un ami ce matin, j'ai un plan. Qui est? Et j'ai les deux mains sur le volant. Mais ça donne bien, il reste des postes à la GEQ. à l'Université des aînés. Ah, ça pourrait, pourquoi pas. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire? Honnêtement, il faudrait que je vérifie. Je sais pas si l'Université des aînés sont membres de la GEQ, mais si oui, ce serait très possible. Ce serait intéressant. On n'a jamais pensé à ça. Mais c'est le temps qui me manque. Malheureusement, j'ai quitté le CA du groupe des médias étudiants dernièrement parce que faute de temps. Quand je m'implique quelque part, j'aime ça le faire comme il faut. Et j'ai déjà trois projets de retraite qui se pointent le nez, auxquels que je vais donner le maximum de temps. Et j'ai quand même une famille avec qui il faut que je fasse attention un petit peu. Ah ouais? Et oui. Mon Dieu, je savais pas ça. C'est la sagesse. C'est la sagesse de la retraite. Oh, mais nous, ça fait déjà 36 ans qu'on te voit pas, fait que c'est pas bien. C'est pour ça que je viens te voir tôt le matin. C'est ça, exactement. Et prendre un café de la chasse-galerie. Ah, c'est bien ça, autopromo chasse-galerie. Ah oui, c'est parfait. Ne touchez pas au café de Sodexo. Mais non, mais est-ce que tu as déjà goûté au café de Sodexo? Ben oui, dans c'est mon âge. C'est le pire café que j'ai goûté de ma vie. Exactement. Mais ça, c'était dans le temps que j'étais jeune et insouciant là, l'année passée quand je m'impliquais pas encore dans l'AGE. Je tiens à souligner quand même l'effort. J'ai pas touché à rien de Sodexo. En fait, j'ai rien payé à Sodexo parce que quand c'était gratuit, ça reste de la bouffe gratuite puis je reste étudiant. Fait que mais j'ai pas donné 1$ à Sodexo depuis le début du mandat quand même. Là, tout s'est fait à la chaise galerie sans exception. Ben, mais depuis 2017, on doit avouer, les gens de C'est fou, on est allé une fois à la cafétéria et c'était pour déjeuner. Mais quand je regarde, depuis 2017, les gens de C'est fou, il y a à peu près juste toi. Mathieu est arrivé Mathieu deux jours plus tard, il avait un bras dans le plan. Non, 2017 n'est pas une bonne année pour Mathieu Plante. Non, c'est ça, en effet. C'est pas sa meilleure. Denis, est-ce que tu restes avec nous? Oui, je vais rester avec vous un petit peu. Je peux rester au moins jusqu'à 9h. Excellent. J'ai un petit peu de temps ce matin qu'on m'a libéré. On adore ça parce qu'au retour de la pause, bien, Alex va nous parler de séries télévisées. Wow. Donc, on en écoute beaucoup. Oh, oui, on aime aussi. Ça. Et il y en a une excellente qui a terminé hier soir. C'est-à-dire MasterChef Australie. J'aimerais ne pas savoir qui a gagné, mais de toute façon, je me dis tu t'es endormi dessus. Non, je sais qui a gagné. La dernière heure était extraordinaire. Oh non. Est-ce qu'on peut réécouter ça, MasterChef? Je crois que oui. OK, c'est sûr, il faut que j'essaie de trouver ça. Et ça semble être très bon. On en parle tout à l'heure. Ah oui, et tout ça après la pause avec Alex Marchand. Oh que oui, Alex Marchand qui est toujours en studio avec moi. Oui, en danser sur cette merveilleuse tune là. Merveilleusement chantée par nul autre que Mathieu Plante et Tania Baudin dans un studio où vraiment on n'était pas très bon, non? Je vous invite à si vous voyagez au Japon à voir la caméra 3 qui se trouve dans le studio. Exactement. Denis Baudin est parti chercher un petit café, mais il va revenir parmi nous pour qu'on puisse jaser de séries télévisées avec toi, Alex. Oui, puis soit dit en passant, ils vont chercher un café où? À la chasse-galerie! je pense que tout le monde aime les séries télévisées. Ah ben oui, je pense que oui. Que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en, je sais pas moi, en chinois. J'ai même des données là-dessus. Ah ouais? Ouais, parce qu'on a... ça. OK, on va faire un petit... on vient de commencer à la chronique. Là, on va... À 5 secondes, on va revenir à la chronique de tantôt. Tout ça pour dire qu'on a fait un petit questionnaire de planification stratégique. Oui? Il y a certains résultats qui sont sortis de ça. Okay. Pour ceux qui s'en rappellent, qui l'ont peut-être rempli, c'est le questionnaire pour une AGE à ton image. Puis on en est venu à la conclusion que les intérêts des étudiants variaient entre plusieurs choses. Premièrement, naturellement, les études, le côté académique, c'est important. On va à l'université pour étudier. Mm-hmm. Donc ensuite, en deuxième, il y avait le travail en général, donc que ce soit dans un emploi ou tout ça, parce que veux pas, les étudiants doivent faire un certain revenu. Oui. S'ils veulent étudier, s'ils veulent vivre, s'ils veulent aller à la chasse-galerie. S'ils veulent vivre, aller à la chasse-galerie. Je pense que je vais faire un jingle pour la chasse, sérieusement. Tu devrais. Petite tonne de guite, là. Mais c'est ça. Bref, ensuite, il y avait plusieurs autres intérêts qu'on n'avait jamais explorés du côté de l'EGQTR. Entre autres, le voyage qui tombait en troisième position. Les étudiants aiment voyager, aiment ça aller se perdre dans le bois, aiment ça aller se perdre dans Monaco. Ben, peut-être pas Monaco. Monaco, c'est excessivement cher. Ouais, c'est ça. Mais peut-être, tu sais, d'aller se perdre avec Vancouver, un pack-sac n'importe où, Vancouver. Ouais. Exactement, aller se perdre dans l'Ouest. D'ailleurs, je vais probablement le faire cet été, ça, on va le laisser. J'ai récemment fait une chronique sur les 13 endroits à absolument voir avant que tu meurs au Canada. Okay. Puis l'Ouest canadien me tente de plus en plus. Ah, c'est clair. c'est très, très beau, là. Ouais, puis entendu qu'en plus, ça peut se faire sur le pouce, là. Je sais pas trop comment ça se passe dans les rocheuses. Mais, tu sais, on te propose pas ça, là, Alex. Ah, non, c'est sûr. Mais je me suis fait proposer par Marilyn, par exemple. Pour vrai, de partir sur le pouce. Ouais, elle dit, même si t'es seul, Alex, vas-y sur le pouce. Puis là, je suis comme, tabarnak, pas fait ça souvent, moi. Je suis pas sûre que j'aimerais ça. Je vais aller me perdre à 10 000 km d'ici seul. Oui, en faisant du pouce, tu sais. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Fait que bref, tout ça pour dire que le voyage est en troisième position. Ensuite, il y avait les séries télévisées, justement, qui sont dans les intérêts principaux des étudiants. Parce que, veux pas, on a tout notre abonnement à Netflix. Parce que 10$ par mois pour regarder autant de séries que tu veux, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Ouais, fait que, ben bref. Puis ça nous fait tous procrastiner Clairement. Ah, c'est incroyable. C'est le meilleur ami des procrastinateurs. Ah, oui. Ça, puis les jeux vidéo, là, les deux ensemble, c'est fini, la session est finie. c'est comme bye bye, je n'existe plus. Puis il reste 35 jours avant la fin de l'année scolaire, fait que c'est comme le temps de vous starter une nouvelle série comme là. Après ça, vous oubliez votre vie parce que la fin de session arrive. Exactement. Bref, puis ensuite, il y avait le sport aussi. Les gens aiment vraiment beaucoup le sport. Ils aiment ça aller au CAPS aussi. En tout cas, de ceux qui ont répondu au sondage. Ça, ouais. Ouais, exactement. C'est un trend, je pense, présentement. Fait que c'est quand même quelque chose qui serait intéressant à explorer aussi du côté de l'EGE QTR. Toi, Denis, t'entraînes-tu souvent? Moi, je m'entraîne toujours un cellulaire avec moi. Je savais la réponse. Moi, parfois, je m'entraîne à terre. Là. Puis un peu, pendant la pause, tantôt, vous parliez de Masterchef Australie. Oui. Mais d'ailleurs, même si c'était en studio, avant de terminer tantôt. Ouais. Mais en fait, les étudiants aussi, la cuisine et la gastronomie, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. C'est fou, hein? Ça a comme un niveau de popularité assez intense depuis les derniers temps, là. Oui, effectivement. Puis, c'est ça, je pense qu'on a quand même... je vais encore nommer quelque chose que je nomme beaucoup depuis le début. Mais il y a un bon filon à la chasse-galerie. Tu veux pas, c'est comme du comfort food. C'est la bouffe de foodies qu'on fait, sérieusement. Carrément. Fait que, veux pas, je pense qu'on répond à un besoin aussi du côté des étudiants par rapport à ça. Fait que, bref, on connaît les intérêts. Maintenant, je vais faire des recommandations parce que je serai plus là l'année prochaine. Mais on va essayer d'explorer ces différents sujets-là du côté de l'EGQTR au courant des prochaines années parce que vous aimez ça, on va vous répondre à ça. Ben oui, c'est sûr. Comment tu aurais cinéma dans le 10-12, genre, ça serait malade. Ah. Ben, ça s'est pas déjà fait? Oui, je pense. Ah, c'est déjà fait. Ouais. À mon époque, ça se fait. À mon époque. T'es venu à l'université, toi? Ben oui, un peu. Ah, ok. Genre, il a fait une session. Il est allé à la chasse-galerie, puis après. Mais mon cégep, c'est pas mal dégoulé devant un microphone. Ah, c'est vrai. À l'époque. C'est vrai. Donc, tu nous parles de séries télé ce matin. Oui, fin de la parenthèse. C'est ça, la parenthèse la plus grosse que j'ai jamais vue. Quand même. En fait, j'ai divisé un peu les différentes séries, puis j'ai parlé aussi de documentaires, puis un peu de films. Ça va dépendre jusqu'où on est capable de se rendre, puis jusqu'où on veut se rendre. Parce que je sais qu'il y a d'autres trucs à dire d'ici la fin de l'émission. Fait que, en fait, il y a des séries de type un peu plus dramatique. Après ça, je vais y aller avec les comédies. Les documentaires, parce qu'il y en a certains sur Netflix qui sont incroyables. Il y en a qui font flabbergaster, deux yeux m'ont tombé, puis la bouche aussi. Il fallait que je ramasse ça à terre, je les lave, c'était comme pas le fun. Puis finalement, je vais parler de certains films qui sont soit au cinéma ou soit qui viennent sortir du cinéma récemment. Ok. Fait que c'est ça. Fait que on va commencer avec les séries dramatiques. Je sais pas si vous connaissez ça, Black Mirror. Hey, je ne connais pas ça. C'est justement ma première question que je voulais te poser. C'est quoi ça? oui, en fait, c'est une série. C'est comme je veux dire short movies en anglais. J'essaie de trouver le titre en français. Des courts-métrages. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, chaque épisode est un court-métrage d'une heure à peu près. Okay. Où l'aspect qu'ils vont chercher, c'est les nouvelles technologies. Soit qu'il y a de la recherche sur la technologie qu'ils vont explorer, qui est en train de se faire présentement, ou soit c'est quelque chose que la société vit déjà au niveau high-tech. Puis à partir de ça, ils prennent un scénario où les instincts les plus noirs de l'être humain côtoient cette technologie-là. Oh, OK. Puis ça commence, honnêtement, ce que j'aime beaucoup de cette série-là, c'est que l'information vient au compte-gouttes. Ils te gardent tout le temps sur le bout de ta chaise en haleine. Donc tu regardes, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Là, tu vois quelque chose, tu vois quelque chose d'autre. Puis là, c'est comme plus ça va, plus tu fais comme what the fuck is happening. Puis sérieusement, c'est vraiment super intéressant comme série. Ils vont vraiment chercher des trucs qui sont presque malaisants. Je me rappellerai toujours d'un épisode sur les réseaux sociaux où les gens dans la société qui explorent doivent avoir un rating, mettons Instagram. Mais tout le monde est comme sur cette espèce d'Instagram-là. Puis c'est note sur 5, en fait. Si t'as une cote de 4.5, ton hypothèque, tu l'as un meilleur taux. Tu peux côtoyer du monde. C'est la haute société va être à 4.5 et plus. Puis plus tu descends, plus, mettons quelqu'un qui est à 1 ou qui est à 2 va être un hobo. Là. Ça va être quelqu'un qui va dormir sur la rue ou des trucs comme ça. Fait que ça amène à réfléchir un peu sur les réseaux sociaux en général. Puis c'est perturbant. L'avenir et la pénétration des réseaux sociaux, c'est pratiquement dangereux. Ah oui, frère, effectivement. Puis il y a aussi des épisodes qui vont dans le malaisant, mais il y en a d'autres aussi qui vont dans le cute. Il y en a un qui c'est des personnes âgées qui sont presque, en fait, qui sont mourantes pour la plupart, qui vont sur une espèce une plateforme qui est connectée à leur cerveau, puis leur conscience est comme téléportée vers un monde virtuel. Puis ils peuvent interagir avec d'autres gens qui sont un peu partout dans le monde, mais c'est carrément, c'est comme la réalité pour eux, c'est une réalité virtuelle carrément. Là. Okay. Puis ben, y a comme une histoire d'amour qui se développe à travers ça dans cet épisode-là. C'est vraiment cute, tu sais. Mais il y a vraiment plein d'univers qui sont explorés, puis c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a un film directeur qui passe à chaque émission, vu que ce sont des courts-métrages? Est-ce que tu revois les mêmes personnages? Est-ce que... Non, pas du tout, ok. C'est vraiment à chaque fois, c'est un nouveau personnage principal, puis il y a une histoire qui se développe autour de ce personnage-là. Des fois, il y a des personnages qui sont des personnalités connues. Là. Je me rappellerai toujours de l'épisode où c'est un espèce de soldat. Là, et en tout cas, ils ont comme trouvé une nouvelle manière de convaincre les soldats de tuer pratiquement. OK. Puis celui qui joue Doug dans House of Cards, qui je me rappelle pas exactement son nom, qui joue un personnage, mais que tu sais, dans toute la prestance de Doug, que Doug aurait eu à faire ce personnage-là, il le fait, puis avec une intensité qui est incroyable. Mais tu sais, il y a une couple de personnalités connues à travers ça qui vont quand même passer. Là, mais une excellente série, sérieusement. Je vais donner un rating, là, mettons 8.5 sur 10. Ouais. Oh, OK, quand même. Il y a des gens de Game of Thrones qui jouent là-dedans. Hein. Jérôme Flynn, entre autres. Et Joe Wright, Dan Tittenberg, et puis James Watkins. On dit que c'est la version moderne de Twilight Zone que moi j'ai connue. Ah, OK, ouais. Oui. Moi, c'est vraiment la version moderne de Twilight Zone. C'est sur Netflix, je crois. Oui, exactement. Donc, si vous avez quelque chose à regarder, que vous avez le goût de ressentir un petit malaise, là, c'est rare qu'on ait ce besoin-là, mais sérieusement, ça le réussit bien. Là. Un peu de la genre de l'horreur. Mais moi, un autre petit malaise, vous avez juste à jaser avec Tania. C'est donc bien méchant, ça. Tu m'as invité. Excellent. Fait que c'était pas mal tout pour Black Mirror. La deuxième, c'est une série qui est très connue, que tout le monde à peu près a vu. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, bon, on va la décrire rapidement. Oui, je l'ai jamais vu. Ah, t'as pas vu The Walking Dead? Bon, là, je l'ai nommé. Tout le monde me regarde avec des gros yeux quand je dis ça. Mais sérieusement, ça vaut la peine. C'est une série qui est le fun parce que les personnages sont d'une intensité dramatique peu commune. Là. C'est sûr qu'on est dans un environnement qui est post-apocalyptique. Il y a des gens qui se sont transformés en zombies. Puis, ben, c'est ça, il y a des gens qui réussissent à perdurer, je dirais, dans cet univers-là, ne sont pas nécessairement tout à fait de saint esprit. C'est à un moment donné, il faut que tu décroches. Exactement. Puis, bref, c'est ça, c'est vraiment intense par bout. Puis, ça l'est trop des fois, mais c'est correct comme ça. C'est comme ça qu'on aime cette série-là, puis ça fait partie un peu du charme de tout ça. Là. Puis vraiment, c'est excellent. Peut-être un petit peu des longueurs au courant des premières saisons, étant donné que souvent les décors restent les mêmes, puis ils restent dans un environnement qu'ils vont vraiment exploiter, par exemple, au maximum. Okay. Donc, puis généralement, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont devoir se déplacer. Puis c'est vraiment une série super intéressante. Ça vaut la peine, encore là, d'y aller. Celle-là, est-ce que je donnerais peut-être une note de 8 sur 10. Okay. Un peu moins aimé que Black Mirror, mais quand même, ça reste une excellente série à voir absolument. Beaucoup de saisons. De sang et de... Mm-hmm. Oh, je pense que c'est pour ça que je l'ai jamais écouté. Ouais. C'est les zombies, hein, moi, ça m'a tué pas. Oui, moi, c'est sûr. Mais c'est surtout dans les dernières saisons, c'est particulièrement, je dirais, un peu plus dégueulasse. OK, ouais, ouais, en plus. Mais les premières saisons, c'est un peu moins pire. Tu sais, il y a beaucoup de... Dans la première saison, je me rappellerai toujours, il y a beaucoup de zombies faits par ordinateur. Parce qu'il n'y avait pas le budget dans ce temps-là. C'est après la première saison qu'ils ont comme fait, OK, on a les moyens de s'acheter des figurants. Ah, c'est ça. Mais des hordes de figurants, là, c'est incroyable. C'est quelque chose, il y en a beaucoup de zombies. Ouais, ça doit. Denis, est-ce que tu allais dire quelque chose? Mais j'allais dire aussi sur Netflix. Oui, j'imagine. Oui. À peu près tous ceux que je vais nommer sont sur Netflix. Okay. Donc, Donc, Walking Dead, si vous êtes amateur de sang, de zombies, de cerveau, j'imagine? Oui, aussi de cerveau. Mais de cerveau, surtout. Cerveau qui sont pas à leur place. Ouais, c'est ça. Cerveau qui sortent un peu des yeux, des cassins. Ouais, c'est assez. Ça peut être trash. Ça peut faire un beau marathon. Walking Dead, ça peut faire un beau marathon. Beaucoup de saisons, hein, côté Walking Dead, je pense. Ouais, mais marathon en marchant parce que The Walking Dead. Ah, quel jeu de mots! On t'écoute! Ouais. C'est ça! Tu plantes sort de ce corps! Faut que quelqu'un le remplace pour les jeux de mots, là! C'est ce qu'on disait hier, justement! Le prochain, je pense que tout le monde le connaît. Ah, ouais, je pense que oui, ça. Mais ça, encore là, je suis pas sûr que c'est tout le monde qui l'ont vu, par exemple. Mais c'est une série qui regroupe des avocats, en fait, qui s'appelle Suits, premièrement. Là. Ça commence avec un avocat qui s'appelle Mike, je me rappelle pas de son nom de famille, mais bon, c'est pas plus grave que ça, c'est pour le besoin de la cause. En fait, Mike, il est un ancien étudiant de Stanford, je pense. Non, c'est de Harvard. Non, ouais. Stanford. Stanford. Puis il était en droit. puis il a comme décidé que lui, c'est un, il a une, photo, une mémoire photographique. Donc, il a juste regardé un texte une fois, puis il le retient. Ah, oh, j'aimerais lui, ça, ça. Sa vie est vraiment facile pour ça. Étudier, pour lui, c'est vraiment pas un problème. Là. Il pourrait se permettre, en fin de session, de se taper un marathon série. Puis ça serait correct. Lui, il survivrait. Puis, ben lui, ce qui arrive, c'est qu'il s'embarque dans, à faire des tests pour d'autres gens que lui, qui est le test d'acceptation pour le law school. Puis ben il le fait pour d'autres monde. Puis un moment donné, ben il se fait pogner à cause de son coloc, fait que il se ramasse à ne plus pouvoir pratiquer le droit, puis ne plus pouvoir étudier en droit. Puis ben là, c'est comme quelque chose qui a vraiment été un point tournant pour lui, parce que ça le tentait de devenir avocat, puis il a jamais pu le devenir. Puis de fil en aiguille, ben il va être amené à rencontrer Harvey Specter, qui est un je dirais un avocat assez bon, les manières sont discutables. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un d'assez machiavélique, de direct, mais quand même avec un charisme assez incroyable, qui a une manière de dire les choses, puis qui est assez bien, bien entouré. Fait que bref, celui-là va décider de travailler avec Mike malgré le fait qu'il ne puisse pas devenir avocat. Puis ça va, il va s'en dérouler un paquet de péripéties. Ça se passe dans les hauts bureaux de New York, dans Wall Street, avec un bureau d'avocat des plus respectés en business law, ben en droit des affaires, en fait. Puis c'est vraiment, si vous aimez un peu les affaires en général, vous allez voir, tu sais, des hostile takeover, des trucs comme ça, c'est vraiment, oui, ça nous plonge dans le monde du droit des affaires, mais vraiment à un autre niveau. Veux, veux pas, c'est sûr, ça reste une série, on y va d'une manière un peu romancée, un peu dramatique. Clairement. J'ai rarement vu un avocat qui peut parler au juge le jour même dans cette série-là. Ah, ben, ça arrive tout le temps. Là. C'est comme, oh, faut qu'on parle au juge, ouais, là. Ça, il est disponible, là, ça se passe, tu sais. Fait que, ouais, bref, les dossiers se règlent très rapidement. Des dossiers qui prendraient des fois un an ou deux se règlent en deux minutes. Fait que, c'est sûr que c'est pour le besoin de la cause, pour le rythme de la série, mais je ça a un très que bon rythme. Certaines séries policières, ou que ouais, c'est un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais je trouve quand même que ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est qu'on respecte quand même, tu sais, certaines. À certaines séries policières, on respecte quand même un certain décorum du corps du travail de l'avocat quand même. T'sais, j'ai l'impression qu'un meeting avec un juge va un peu plus ressembler à ça que juste d'arriver directement en cours, des trucs comme ouais, ça. Ouais. Il y a comme, on voit un peu plus les coutures. Les jeux de coulisses. Oui, exactement. Beaucoup à l'intérieur de cette série-là. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant à voir. Puis là, je donnerais pratiquement un 9 sur 10. Oh, ok. Oh, yeah, ouais, j'ai vraiment apprécié. Ouais, ouais, vrai, c'est beaucoup 7 ou 8e saison. Ceux autres sont déjà rendus à 7 ou 8e saison. Ouais. Mm-hmm. Ouais, ouais, avec des acteurs intéressants, Gabriel Mack, Patrick J. Adams, Rick Hoffman. Donc, c'est des acteurs de série. Donc, c'est intéressant de voir que c'est. Il y a de l'avenir pour certains acteurs, même s'ils font pas du grand cinéma. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Ben, oui, c'est. Les téléséries maintenant, là, c'est de plus en plus voulu par les acteurs. C'est. Payant. Bradley Cooper aussi, Matthew McConaughey, là, qui se sont mis à jouer dans des téléséries, justement, parce que c'est tellement populaire ces temps-ci. C'est plus populaire que des films, là, parfois. Mm-hmm. Puis même, tu sais, pour les artistes aussi, c'est que, tu sais, la vie d'artiste étant ce qu'elle est, ouais, t'es jamais sûr de ton prochain contrat, t'es jamais sûr si tu vas être un has-been la prochaine fois. Fait que, ouais, tu veux pas ça, une série, ça amène, j'ai l'impression aussi, peut-être, un espèce de climat, peut-être un peu plus de sécurité en tant que telle dans le revenu à long terme, parce que exact, si la série dure 5-6 saisons, ben c'est 5-6 ans où l'acteur n'a pas à se préoccuper trop de ses autres contrats puis à faire un peu ce qu'il veut. Fait que certains appellent ça des contrats alimentaires. Oh, ah, c'est ouais, bon, c'est pas fou, ouais. Ouais. Quand tu y penses. Ouais. On pourrait même appeler ça des contrats aéronautiques parce que les autres peuvent se payer des avions, là. C'est ça. Différence. Ils mangent sur l'avion. Ouais, c'est ça, en première classe, là, avec du caviar et tout. Est-ce que tu voulais plonger dans le milieu de la comédie? Ah, je ferais juste House ouais, of Cards avant, après ça, ben j'irai oui, en comédie. Ah, House of Cards. On a eu un 7, on a eu un 8, on a eu un 9. D'après moi, on va approcher du 10. Ah oui, oh, oui définitivement. T'sais, tantôt, je parlais un peu que Harvey Specter était un peu machiavélique. Ah, mais c'est vrai, hein? Rien en comparaison de Frank Underwood. Là. C'est fou. Pas cet acteur-là, mais en fait, c'est Kevin Spacey ouais, qui joue Frank Underwood, qui est un acteur incroyable. Puis juste, by the way, là, je sais que t'sais, le français puis tout, c'est important, puis qu'il faut qu'on conserve notre langue, mais cette série-là, écoutez-la en anglais, en anglais s'il c'est vous sûr, plaît. Ben, si vous êtes bilingue, les tournures de phrases et... Le double sens dans le propos. Quand... Ah oui, puis juste l'intonation de Kevin Spacey. Ça, là, ça, j'ai ça écouté les deux. Ah, mais j'ai un frisson rien qu'à en parler. Pour vrai, là, il y a une manière de juste faire l'intonation. En tout cas, là, c'est incroyable, cette actrice-là. Puis aussi, celle qui joue Claire Underwood, que je ne me rappelle pas exactement son nom, mais elle a gagné pratiquement, je pense, c'était un. C'était pas un Oscar, c'était pas un Grammy. C'est quoi les jeux pour les séries? C'était un Emmy Award. Emmy, oui. Pour la meilleure actrice durant l'année où elle a fait House of Cards, parce qu'elle est vraiment incroyable, elle aussi, dans son rôle. Claire Underwood, qui est un personnage assez. Assez spécial. Robin Wright, ah, c'est exactement. Vive Google. Ouais, c'est ça que je suis en train de faire, moi, avec. Elle est impressionnante là-dedans, elle, avec, là. Mais c'est qu'elle est d'une froideur impénétrable, tout en étant d'une sensibilité. Je sais pas comment qu'elle fait, honnêtement, ça me perturbe tellement. Elle fait bien. C'est vraiment quelque chose, tu sais. C'est indescriptible, pratiquement. Mais vraiment, deux acteurs qui sont incroyables en partant. Fait que tu pars de ça, puis tu mets une série, un contexte politique où il y a du jeu de coulisses à planche. Il y a. Mais tu disais que Suit se rapproche beaucoup de ce qui se passe dans les palais de justice. Mm-hmm. Je pense que House of Cards, le pendant politique, est vraiment, là, vraiment calqué sur la réalité. Là. Ah oui, vraiment. Moi aussi, ça me fait peur, mm-hmm, des fois. Ouais, hein? Si ça se passe vraiment comme ça dans Maison Blanche, mon comme Dieu. Bon, ben. Oui, c'est ça, notre peut-être, monde. Peut-être maintenant aussi. Oui, ouais, des fois, il y a des tournures de phrases de Donald Trump qui font étrangement penser à, genre, à Frank Underwood. Ah non, ça me fait peur, des fois. Mais vraiment, cette série-là qui est vraiment quelque chose. Même si vous n'aimez pas la politique, vous allez la découvrir avec ça, sérieusement. Ça. Là, ça vaut la peine. Puis vraiment, encore là, une fois, un peu romancé peut-être, mais correct. Tu sais, il y a vraiment une belle profondeur à l'histoire, tout en ayant quelque chose de très, très, très bien faite. Celle-là, ça va dans le 9.5 sur 10. Oh, ouais. Je peux pas donner la note parfaite, mais c'est presque là, pour ça. Non, quasiment. Prochaine pour ceux qui connaissent pas nécessairement le contexte de House of Cards, tu as parlé de politique puis tout ça. Mm-hmm. Tu parles aussi du jeu de Kevin Spacey, mais qu'est-ce que c'est House of Cards? House of Cards, ben, tu parles-tu de la provenance historique ou un peu plus de qu'est-ce qui se passe dans cette série? Qu'est-ce qui se passe? Okay. Tu sais, les gens qui n'ont jamais vu ça, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Oui, ben, en fait, c'est Frank Underwood qui, au début, c'est vrai que j'ai pas parlé d'histoire du tout. Au début, il est au Congrès. Il pense qu'il va devenir sur l'exécutif, donc il est sénateur. Oui, sénateur, c'est vrai. Puis il veut devenir secrétaire d'État. Mm-hmm. Puis finalement, il se ramasse par le président à se faire dire: tu vas aller au Congrès, tu vas être le whip. Le whip, sa job, c'est de faire en sorte que tout le monde vote du même bord parmi les démocrates, parce que c'est un démocrate. C'est ça. Puis, ben, lui, il est vraiment en crime parce qu'il voit ça comme s'être fait backstab, parce qu'il s'était fait promettre d'être secrétaire d'État, je crois, ou un de ces postes-là. Puis, ben, là, il est comme: ben, écoute, va falloir que je me venge. Fait que. C'est ça, finalement, House of Cards. C'est comme une grande vengeance. Ah oui, non, mais c'est vraiment, tu sais, c'est pratiquement ce que je peux décrire, Frank Underwood, là. C'est, il va te serrer la main pendant qu'il va tenir un couteau dans son dos, puis aussitôt que tu vas être retourné, il va te backstabber. Ah ouais, c'est ça. C'est pratiquement ça, c'est quelque chose. Fait que, bref, il exerce une vengeance à peu près sur plusieurs saisons. Puis son but ultime étant de remplacer le président. Là. Ah ouais, clairement. Mm-hmm. Puis on va le voir aussi dans une nouvelle série qui va... pas Frank Underwood, là, mais Kevin Spacey. Mm-hmm. Qui est sensiblement aussi dans les mêmes types politiques, tout ça. Et qui va se ramasser justement à devenir président des États-Unis, mais par intérim, là, parce que le président vient de se faire tuer. Là, donc j'ai hâte de voir ça. J'ai très, très hâte. Mais pour les gens un peu plus de mon âge, Kevin Spacey quand même... un acteur qui a un grand bagage, ben oui, qui a fait de grands films aussi. On pense à Pax, qui joue dans l'individu bizarre dans Pax, qu'on ne saura jamais s'il était un être humain ou pas. Là. Mm-hmm. Mais Kevin Spacey est un grand acteur. Oh, ouais, clairement. Il est incroyable. On va y aller du côté des comédies. Il m'en reste plusieurs, mais ce sera pour une prochaine fois. Au pire, ça va me faire plaisir de repasser. Ah, ben tu peux y aller comme tu veux. Non, mais c'est parce que j'en ai pour 2 heures. Ouais, c'est ça. Fait que je vais m'en garder pour une autre fois. On en discutera éventuellement. Du côté des comédies, on va y aller avec un classique, naturellement, en premier. Je vais parler de How I Met Your Mother. Ben oui. Qui réunit 5 amis. Qui, ben en fait, ouais, à la base, il y en a 4, puis il y en a une qui vient se rajouter ensuite. C'est une série pour les un peu qui fait le tour du monde du dating, du monde des célibataires, qui est un peu adapté à notre époque, qui est vraiment dans une continuité de Friends, mais avec... clairement, hein, ouais, aussi, j'avais beaucoup pensé à ça. Ah, sérieusement, si on regarde Friends, pratiquement, j'étais capable de nommer... Chaque fois que quelqu'un avait une réaction, j'étais capable de nommer le personnage de How I Met Your Mother qui aurait dit ça, en fait. Okay. Fait que ça, on voit vraiment que les personnalités se rentrecoupent un peu, puis que les façons d'agir des personnages restent un peu sensiblement les mêmes. Mais ils ont quand même réussi à faire 9 saisons, puis à garder accroché accrocher beaucoup de monde durant ces 9 saisons-là. Donc, en termes de comédie, là, c'est, si vous avez 20 minutes à passer, vous avez le goût de rire un peu, puis vraiment des histoires complètement rocambolesques, à virer sa tête, mais c'est vraiment bien fait. Ce sont des courtes histoires, hein, c'est des séries qui, à la télévision régulière, durent 30 minutes seulement. Oui, exactement. Puis, ce qui est le fun avec cette série-là aussi, c'est qu'il y a, plusieurs types d'histoires. Mais en fait, il y a différentes longueurs. Il y a des histoires sur une émission, il y a des histoires sur une saison, il y a des histoires sur trois saisons, puis il y a des histoires sur les saisons au complet. Fait que, tu sais, comme vraiment, il y a toujours moyen de garder accroché à quelque chose, puis toujours fait avec une... si j'aurais quelque chose à m'inspirer pour écrire une histoire dans la vie, ce serait How I Met Your Mother. Tout est tellement bien rodé, il n'y a rien qui est échappé. C'est vraiment très, très, très bien écrit, puis c'est, les acteurs, encore une fois, sont incroyables dans le jeu. Fait que oui, c'est très très très bien fait. Ça s'appelle How I Met Your Mother parce qu'il explique à un de ses enfants comment il a rencontré sa mère. Oui, effectivement. On avait compris un peu. Non, mais ça veut pas dire que tout le monde le savait. OK. Et c'est un 7, un 8, un 9? Ça, j'irais. Étant donné qu'on est dans la comédie, c'est sûr qu'il y a un peu moins de profondeur. Ouais, genre, je suis quand même quelqu'un qui aime le jeu un peu plus deep. Ça, je donnerais peut-être 8.5. Moi aussi, côté comédie, j'ai un petit peu plus de difficulté à embarquer dans les séries parce qu'on dirait que je sais que c'est plus joué, mettons, que certaines séries dramatiques, comme par exemple House of Cards. J'ai comme plus de facilité à m'identifier à Kevin Spacey. Pour ton côté de machiavélique. Ah, c'est ça, exactement. Good. On va y aller ensuite avec la prochaine série. Je voulais parler de Friends, mais je la connais pas assez, fait que je vais la sauter parce que je serais pas capable de donner nécessairement une note étant donné que je l'ai moins regardée. Parce que ce qui était le fun avec How I Met Your Mother, c'est que c'est plus d'actualité. Il y a des gags d'actualité, il y a des référents, tu sais, que, en tout cas, moi, je connaissais. Friends, un peu moins. Fait que, tu sais, c'était peut-être moins intéressant, mais ce qui paraît, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup embarqué dans Friends. Fait qu'il faudrait que j'essaye pour peut-être découvrir cette série-là. Ben oui. Oui, c'est une autre époque. Mm-hmm. Donc, c'est d'autres concepts aussi. La société n'était pas la même. Le développement de la société n'était pas au même endroit. Les références à la vie personnelle, à la sexualité des gens, ben, très différentes dans Friends. Ça, c'est vrai. Puis, ça a changé. Mm-hmm. Oui. Puis sinon, la prochaine série que je vais vous parler, c'est une série qui est un peu moins connue, que j'ai vu souvent l'affiche, puis j'ai comme jamais fait « Ah, oh, je vais la regarder », mais que quelqu'un m'a dit « Écoute, tu vas triper raide », puis finalement, effectivement, j'ai trippé raide. Honnêtement, presque autant, je pense même plus que « How I Met Your Mother ». C'était Brooklyn Nine-Nine que ça s'appelle. C'était avec Andy Samberg, qui faisait partie de The Lonely Island, qui a fait entre autres les Tonnages in My Pants, puis toute cette série-là. Oui! Des tunes quand même super drôles. Puis, ben bref, il a aussi joué ça. Il avait joué dans That's My Boy aussi, avec Adam Sandler. Une couple de films. Oui, effectivement, surtout dans la comédie, c'est son créneau. Quand même un bon ami d'Adam Sandler, qui d'ailleurs fait une apparence dans saison 2, je crois, de Brooklyn Nine-Nine. Okay. Le concept de Brooklyn Nine-Nine, c'est que c'est des enquêteurs dans un centre de police de Brooklyn qui vont faire un paquet d'enquêtes, mais il va y avoir des trucs qui vont popper, ils vont faire des enquêtes par rapport à ça, essayer de trouver des solutions, en plus de vivre un paquet de situations rocambolesques à l'intérieur du bureau de détective. Les personnages sont super multiculturels aussi, tu sais. Il y a des gens qui m'ont déjà dit que How I Met Your Mother, c'est une série pour white people. Oh! C'est vrai, c'est très white. Ouais. Mais Brooklyn Nine-Nine, c'est super multiculturel en même temps. Tu sais, il y a autant de latinos, il y a des gens, je pense, africains, il y a quand même aussi des... gens plus américains, fait que tu sais, quand même plusieurs trucs intéressants. Puis aussi, il y a des gags assez, puis une histoire assez incroyable. Les personnages sont super, comme je l'ai dit, distincts. Ils ont vraiment des personnalités super différentes. Okay. Ils réussissent à faire des blends avec ça qui sont vraiment cool. Le Brooklyn Nine-Nine, ça doit être le numéro de la caserne ou oui, de exactement. La police? Oui, exactement. Okay. Du poste, oui. OK. Oui, fait que... Est-ce que c'est la série où on dit c'est le pendant satirique de Law & Order? Ah, ça, je pourrais pas dire, par exemple. Non, je le connais pas, l'autre. OK. Mais peut-être, ça se pourrait, honnêtement. C'est super drôle, honnêtement. Celle-là, je donnerais peut-être un... je dirais... Si j'ai donné 8.5 à I Met Your Mother, je mettrais 9 à Brooklyn Nine-Nine. OK, quand même. Oh, yeah. T'as préféré ça à... How I Met Your Mother. Ouais, mais c'est très différent, mais je pense que j'aime mieux le style de Brooklyn Nine-Nine, peut-être. parce que c'était des personnages qui étaient assez semblables, puis qui étaient assez, il y a pas beaucoup de conflits à l'intérieur de How I Met Your Mother, il y en a plus ça. À l'intérieur de Brooklyn Nine-Nine, puis un conflit bien rodé. J'aime bien voir ça souvent, fait que oui, ça a bien de l'allure au niveau de Brooklyn Nine-Nine. Ça se rapproche peut-être plus de l'impro aussi, Brooklyn Nine-Nine. Okay. Okay. C'est peut-être le petit côté que j'ai plus aimé aussi, c'était le genre de gag un peu plus qui peut se rapprocher de ça. Ah, parce que du côté de How I Met Your Mother, le seul personnage qui peut amener la série vers là, c'est Barney, qui va comme vraiment arriver, il va dire, ok, on fait cette affaire-là qui est complètement fucked up. Tout le monde, il dit, ben non, c'est épais, qu'est-ce que tu veux faire? Fait comme, non, c'est vraiment une bonne idée. Puis là, tout le monde fait comme, bah ouais, on va le faire. Fait que finalement, ils se mettent dans la merde, continuent. C'est ça. Ouais. Mais il y a un peu plus de potentiel à aller vers ça, vers Brooklyn Nine-Nine. Là. Good. Avant de sauter au prochain, parce que c'est sûr que t'as pas terminé. Denis, tu dois nous quitter. Ben oui, parce que la retraite, c'est seulement qu'à partir de 16h. C'est ça. Oh. Donc, je vais aller saluer mes collègues au bureau. Va aller verser merci, quelques larmes. Merci, Tania, de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci à on a quelques séries que tu prends en note qu'on regarde oui, à la maison. Oui, certainement. On va se faire des marathons. Je vais avoir du temps pour faire des marathons. Ouais, c'est ça. Toi, oui. Et je fais mon auto-promo. Je vous invite ce soir, 19h, très blues assez fou, de 19 à 22. C'est pour tout savoir du blues d'hier au blues d'aujourd'hui. Excellent, merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Salut, à la prochaine. Pour continuer, au niveau des comédies, je vais y aller avec des séries un peu plus animées. Je vais en faire encore deux, puis après ça, je vais switcher tout de suite au documentaire. La première étant Family Guy, qui est une série assez connue. Un classique. Ceux qui aiment les gros rires gras, c'est ça. C'est pas une série en finesse. Non, pas vraiment. C'est une série assez joke de pet, si je pourrais dire ça ainsi. Mais si on aime le style, si on aime se dévisser la rate une fois de temps en temps, c'est très bon. C'est le genre de série des fois qui va peut-être avoir un petit peu de, pas nécessairement des longueurs, mais il faut comme avoir des gags un peu que tu vas comme rire un peu moins, mais il y a une garantie par épisode, puis c'est un gros rire gras de 5 minutes. Ah, sérieusement, c'est ça, hein? Là, c'est je pense que c'est la marque de commerce de Family Guy que t'es sûr de rire à en brailler une fois par épisode, puis c'est ce moment-là moi que je recherche, puis que j'aime beaucoup, tu sais. Des fois c'est des jokes qui peuvent être un peu plus wrong qu'on pourrait qualifier, ouais, parce qu'ils ont tendance à y aller vraiment des fois sur des sur le cru. Sur le très cru, effectivement. Mais si on aime le style, comme je disais, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Cool! Du côté de la note, c'est sûr que je peux pas donner une grosse note non, étant donné ça. Les jokes de pet, là. Mais... Toi, peux-tu vraiment donner une grosse note à Family Guy? À Peter Griffin, oui, là. Ouais, c'est ça, mais... c'est le seul. Peut-être je dirais que 8 sur 10 de ce côté-là. OK. Tu sais, quand même, ça passe la note, parce que moi, personnellement, de mon style à moi, j'aime bien ça, mais c'est ça, je n'irais pas dans le plus. Non, moins c'est bas, ça. Plus bas quand même, Matthew Butter. OK. Good. Fait que c'est ça, le 8. Sinon, j'irais d'une série encore plus grosse qu'il est peu connue. Ça s'appelle Brickleberry, disponible sur Netflix. Je dirais, tu sais, en termes de gras, on est entre Family Guy et South Park. Oh boy, OK. Fait que, tu sais, on est dans une niche assez restreinte ça. Où, c'est ça, il y a des trucs qui peuvent se passer qui sont assez what the fuck. Ah, c'est ça. Désolé pour nos auditeurs anglophones. Mais c'est vraiment une série que... C'est presque malaisant des fois, mais d'autres fois, c'est tellement drôle que ça compense. Fait que celle-là, c'est une très bonne série si vous aimez justement. Vous savez, cette tolérance-là à... Aux niaiseries assez poussées. Là. Si vous avez aimé South Park, vous avez aimé Family Guy, vous allez définitivement triper sur Brickleberry. Donc, je vous invite à l'essayer si ça vous tente. C'est une exclusivité Netflix ou... Je sais pas ça. Je pense que ça vient de Adult Swim. Fait que je pense que c'est un peu comme le Teletoon des États-Unis. Là. Ça, je dis que c'est ça, non, c'est pas une exclusivité Netflix. Puis on irait peut-être d'un 7.5 ici, étant donné le caractère un peu plus difficile à regarder de Brickleberry, mais quand même une série très très drôle si on aime le style, toujours. Good! Tu passes au documentaire? Oui, je vais y aller les documentaires. Si vous avez un 10 heures à passer sur un espace d'à peu près, ben ça dépend comment vous le voulez. Il y a une série, si vous tripez sur l'espace, vous voulez en savoir plus sur les trous noirs, sur la matière, sur les atomes, sur... un peu des gros sujets, du très grand au très petit. Il y a une série avec le meilleur narrateur de documentaire que je connais, c'est Neil deGrasse Tyson qui anime ça. D'ailleurs, encore une fois, ça, j'ai été assez étonné en voyant le crédit des producteurs exécutifs de cette série-là. Ah ouais? Parce qu'on y retrouve Seth MacFarlane, qui wow. est le producteur de Ted et de Family Guy, ainsi mm-hmm. que de American Dad. Tu sais, qui est quand même, tout ça, il n'y a pas nécessairement l'humour le plus fin. C'est sûr. Mais qui finance une série qui se retrouve à être vraiment dans la connaissance puis dans la transmission du savoir. Puis bref, c'est une série qui est incroyable, ça nous transporte, les visuels sont incroyables, la musique aussi. Il y a comme, il y a vraiment, on mêle le cinéma puis la science puis le documentaire à travers ça. Probablement un des meilleurs documentaires que j'ai vu de ma vie. Cool. C'est des documentaires d'une heure encore une fois. Ok. Mais là, tu t'es tellement transporté que t'es comme, oh, je veux en écouter un deuxième. Mais l'affaire, c'est que le cerveau fond. Fait que, après un épisode, fond. T'es comme, je veux en savoir plus, mais il y a tellement de données puis d'affaires qui sont assez pointues que, tu sais, c'est comme après avoir sorti d'un cours, tu sais. On n'est plus nécessairement tout aussi focusé qu'au début. Fait que ça, t'es drainé. Fait que c'est un peu plus dur, mais, tu sais, on reste accroché à cette série-là. C'est vraiment le fun pour ça. Super intéressant. Puis ta note? Ma note, ça va de 9.5 sur 10. C'est, OK, wow. On est dans le même truc qu'House of Cards. En termes de documentaire, c'est sûr que le style est complètement différent, mais on est vraiment dans quelque chose de la fine pointe. Malade? Oui. Est-ce que tu avais un autre documentaire à nous présenter ou tu voulais parler des films? Je vais y aller avec un dernier documentaire qui est Into the Inferno, qui est le documentaire, je ne me rappelle pas exactement du nom du documentariste, mais qui nous transporte autour des volcans. OK. De peu partout dans le monde, même un en Corée du Nord, qui se font inviter puis ils réussissent à avoir des images vraiment à l'intérieur du pays, ce qui est assez rare, que les journalistes habituellement ne sont pas acceptés dans ce pays-là. Fait qu'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de assez incroyable. Puis le réalisateur, c'est celui qui a fait le scénario, c'est Werner Herzog, qui est un documentariste assez connu, qui a réussi à faire quand même un très bon travail de ce côté-là. Puis ce qu'il essaie de visiter à l'intérieur de ça, c'est d'un côté, oui, les volcans, mais de l'autre côté, la spiritualité qui entoure les volcans. D'accord. Donc, c'est tous les peuples qui sont autour de ces volcans-là mm-hmm. vont avoir la spiritualité qui va être en lien avec ouais, ça. Exact. Parce qu'étant donné que c'est surprenant, c'est la terre qui explose, c'est les coulées de lave puis tout ça. Fait que vraiment, ils vont avoir... Les croyances par rapport à ça. Exactement. Fait que les autres vont visiter, oui, le volcan, ils vont visiter aussi les gens autour puis ils vont leur poser des questions par rapport au volcan, comment ils se sentent par rapport au volcan. Puis OK. Tout. Fait que c'est vraiment... ouais, c'est super intéressant. Intéressant, ouais. Ouais. Ta note? Ma note ici, c'est sûr que c'est un documentaire qui est intéressant, mais qui n'était pas aussi transportant que Cosmos. Je donnerais la note de 8 sur 10. OK, quand même. Oui, quand même. C'était bon, c'était super intéressant, mais on est loin de Cosmos, par exemple. Est-ce que tu nous parles de films? Oui, je vais parler des deux qui sont au cinéma présentement, dans le fond. Le premier, c'est Logan, qui est la suite de X-Men avec le personnage de Logan. Qui est un film qui est assez bon, encore une fois. Tantôt, je parlais d'informations au compte-gouttes. Là. Mm-hmm. C'est qu'ils réussissent à prendre l'univers de X-Men, à nous transporter complètement ailleurs de tous les autres films. Ils isolent vraiment ce film-là à travers quelque chose. Puis à faire une histoire qui concerne Logan, mais qui vient vraiment rajouter un aspect à l'histoire qu'on n'aurait pas cru possible. Puis dans un contexte où même le professeur est là. Mais encore une fois, il est pas tout là. Ouais, c'est ça. C'est comme... En tout cas, c'est vraiment surprenant. C'est pas le genre de film qu'on s'attend à voir dans un film de Logan, mais okay. On va vraiment chercher une branche qui est super intéressante. Puis définitivement, c'est un film qui est à voir. J'en dirai pas plus parce que, bref, vous voulez voir le scénario. Ouais, c'est ça. Mais celui-là, je donnerais la note de 8.5 sur 10. OK. Bref, sérieusement, c'est un peu spécial parce qu'en sortant du film, j'étais comme, je sais pas si j'ai aimé ça ou non. T'sais. Ah ouais, comme, ça okay, laisse vraiment sûr. Perplexe ce film-là. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que ça te laisse sur une fin où tu te dis, il va en avoir un deuxième? Oh non, pas du tout. Pas du tout? Non. OK. Non. Vous allez voir, c'est définitif. C'est ça. Exactement. Okay. Donc c'est vraiment destiné à être juste un film là. Okay. Mais c'est vraiment, c'était en marche complètement. Tu sais, dans le dernier, c'était il revenait dans le passé puis mm-hmm. revenait dans le présent. Ben tu sais, en fait, il changeait le passé à partir du futur. Oui. Puis là, on le sait pas, on est où par rapport à ça là. On le sait pas si on est dans l'ancien futur ou on est dans le nouveau. Fait que, ça laisse le potentiel de continuer à quelque part ou non. OK. C'est un des fuck-up. Puis il mentionne aussi à quelques endroits qu'il s'est passé une affaire à tel endroit. Puis on sait pas c'est quoi. Puis ils reviennent pas là-dessus dans le film. Okay. Il laisse des zones grises beaucoup. Mais ce qui permet justement d'explorer cette partie-là en restant. Puis ça reste cohérent avec le reste des films de X-Men. Ouais, c'est ça. Je m'allais dire quelque chose qui est quand même commun à X-Men, c'est de laisser des petites taches un peu partout pour te laisser. Perdu. Non, c'est vrai. C'est un peu comme les Avengers, puis tu sais, tous les films de super-héros qui vont autour de ça. En tout cas, je sais pas pour vous, là, mais moi, je commence à être perdu un peu, tu sais, à travers les Ant-Man de ce monde, les Avengers, les Iron Man, les... Tu sais, ça fait comme beaucoup de stocks. On ne sait pas combien de pierres qu'on a vues. En a vu une en plus dans Guardians of the Galaxy. On le sait que selon les BD, les deux vont merger ensemble éventuellement. C'est vrai? Ouais, les Avengers, ça va être un excellent film. Là. Ça, j'ai hâte de voir. Ça risque d'être incroyable. Mais tu sais, c'est juste de se retrouver à travers ça un peu. Des fois, ça devient mêlant. Surtout qu'on doit être rendu à 7 X-Men, 8 Avengers. Si c'est pas plus. Ouais, fait que ça nous fait des beaux marathons, ça aussi. On est presque rendu avec des séries avec des films. Avec des films, ouais. Fait que bref, on va essayer de démêler tout ça puis de vous revenir là-dessus. C'est sûr. Ça devrait être pas pire. Le deuxième film dont tu veux nous parler qui est au cinéma présentement, C'est John Wick 2, qui est un film qui est assez intéressant. Ça. J'ai vu le 1, j'ai pas encore vu le 2. Ah, c'est quelque chose. Ouais, si vous voulez. C'est violent. Ah, tabarnane. Sérieusement, je les ai pas comptés, là. Puis j'allais voir le film avec mon père. Puis les deux, on est comme sortis. On a fait crime. Il a tué combien de monde pendant le film? Ça doit se compter dans les centaines. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Mais c'est quand même, au niveau visuel, ce film-là est quand même surprenant. Parce qu'on utilise beaucoup la couleur à l'intérieur du film. Il faut vraiment avoir le sens d'observation. Ouais, mais on voit qu'il y a des LED qui sont mis un peu partout dans le film. C'est surtout, je dirais, les couleurs qui prédominent, c'est le bleu, le mauve, le orange puis le rouge. Nice. Dépendamment de la situation, comment que ça évolue dans le film, on utilise vraiment de l'éclairage qui va être différent pour mettre en valeur certains trucs. Puis autrement, c'est sûr que au niveau des scènes d'action, on a des scènes d'action, tu sais, des fois, je sais que c'était quoi le film, je me rappelle pas exactement. Il y avait un film qui avait gagné une super bonne note, qui c'était comme du monde dans le désert qui se mettait du chrome dans les dents, genre avant de se battre. Je me rappelle pas exactement, ça avait eu une excellente note à cause de la qualité des scènes d'action qui sont souvent des 10 minutes non-stop ça se passe puis que ça se donne. La chorégraphie derrière tout ça. Exactement, mais il y a beaucoup de ça à l'intérieur de John Wick aussi, c'est super impressionnant. C'est juste que des fois, je veux pas dans une scène d'action, on décroche peut-être un peu. OK. Tu sais, c'est qu'il y a des longues scènes d'action, c'est intéressant, mais tu sais que si tu tombes dans l'une pendant 2 secondes, c'est pas passé grand-chose, il y a juste un autre gars qui s'est fait péter à gueule. C'est ça. Fait que tu sais, ça, c'est peut-être un point faible que je trouvais un peu à l'intérieur du film. Il y a quand même vraiment une... Il a réussi à créer une micro-société qui est vraiment super intrigante avec un système politique puis tout ça qui est vraiment, tu sais, ils ont mis beaucoup de travail dans la scénarisation puis dans tout ça. Donc, tu sais, quand même, je dirais que c'est un film qui est intéressant, qui est très, très bien fait. Fait que je donnerais quand même la note de 8 sur 10. Étant donné les pots puis les contres, c'est quand même un film à voir. Ouais, quand même. Si vous voulez y aller un mardi, c'est un 5$ très bien investi. Ah, c'est vrai, le mardi, c'est pas mal moins cher. Oui. Oh, j'avais oublié ça. Alex, merci beaucoup parce que c'est très, très différent du style de chronique dans lesquelles on t'entend en temps habituel. Oui. Donc, fin de mandat, ça veut-tu dire qu'on va pouvoir revoir certaines chroniques dans ce style-là à l'émission? Pourquoi pas? Ça serait plaisant. Ça serait fun. En plus, il m'en reste plein à vous parler. Là, j'ai pas fini. Non, c'est ça. Donc, ça veut dire plus de temps, plus de radio. Oui. C'est un peu comme une retraite. Ah, ben oui. À écouter parler d'Annie, je vais être encore plus occupé. C'est ça. Au retour de la pause, bien, je vais vous faire un petit peu une section quasiment une grosse pointe à l'dresse, mais ça sera pas une grosse pointe à l'dresse. On va tout simplement discuter d'une dégustation vin fromage que j'ai eu la chance d'aller expérimenter. Voilà, tout ça après la pause. C'est fou! 89.1. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found the new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. Start to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on Hold the XX. C'est excellent, j'ai adoré ça. C'est la première fois que je l'entendais, je crois que c'est une nouveauté au palmarès anglophone. Alex aussi, il se disait, hein, mon Dieu, la pièce est vraiment bonne. Ah, elle transporte, sérieusement. Ouais, vraiment. J'ai comme un nouveau coup de cœur sur DXX et On Hold. Et On Hold au téléphone avec nous, c'est Mathieu Plante. Hey, c'est le genre de gag que j'aurais fait, ça, je me demandais si t'allais le faire. C'est mon gars. À quelques points, faut qu'on soit capable de te remplacer dans ton entièreté. Fait qu'il faut qu'on fasse des jeux de mots de même. Je pense que c'est parce que je déteins sur toi. C'est peut-être ça. Mais une chose est sûre, c'est que t'as déteint sur Alex. Donc oui. Ah, ben oui, ben tout à fait. Je suis content d'avoir entendu parler de série aujourd'hui. Ça a passé encore super vite l'émission d'aujourd'hui. Et j'ai plein de nouvelles séries à écouter. Puis je dois te dire, Alex, que Friends, c'est pas parce que c'est pas un HD. C'est pas bon, OK. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est des affaires... toujours bonnes. Il n'y a pas tant de différence que ça à l'actualité, je vais te dire. Ben, franchement, j'ai regardé les 10 saisons d'une shot, puis ça s'écoute encore super bien aujourd'hui. Ah, ben c'est cool. Ben c'est, j'ai moins embarqué, honnêtement, que How I Met Your Mother, mais je vais quand même réessayer. J'ai du temps. En fait, j'ai pas de série. J'ai presque fini Black Mirror, fait que je pense que je vais me lancer là-dedans, effectivement. Ouais. Et tu vois, ceux qui disent, parce que c'est pas la première fois que j'entends le commentaire, et je sais que toi, tu l'as pas dit, mais que, tu sais, une série, ah, c'est même pas en HD, fait que c'est pas récent, fait que c'est pas bon. Friends, en passant, est disponible en HD dorénavant. Oui, maintenant, c'est vrai. Blu-ray. Ouais. C'est cool, c'est une série des années 90 en HD, c'est rare. Ça, c'est vrai. Ça coûtait cher à faire. J'en doute pas, hein. Bref, bien, ben oui, ben Mathieu, tu sais, en temps normal, le jeudi, on a une grosse pointe à l'adresse. Ouais. Malheureusement, cette semaine, t'étais pas là, fait que je me suis dit, OK, je peux pas le faire sans Mathieu, une grosse pointe à l'adresse. T'es pas allé dans mon tiroir pour prendre un petit produit? Non, j'y ai pas pensé. C'est caché dans mon tiroir d'en bas. Bon, ben, je le ferai la semaine prochaine. Mais j'ai quand même décidé quasiment de discuter un peu bouffe et quelque chose à boire parce que j'ai assisté à une dégustation de vin et fromage de l'école d'hôtellerie de Trois-Rivières récemment, c'est-à-dire mardi soir, du côté de l'école de l'hôtellerie. Puis c'est quelque chose qu'ils font aux 2 ans. Donc, c'est les gens qui font le grand cours là, en hôtellerie qui, au chaque 2 ans, doivent faire leur cours en sommellerie. Donc, tout ce qui est liquide et tout ça, et arriver à faire des bons accords de liquide et de nourriture. Ils disent ça comme ça, liquide et... En fait, c'est parce que j'ai appris mardi soir que si tu étudies pour devenir sommelier, c'est que tu deviens un expert en liquide. C'est pas seulement en alcool. Oh, ouais. C'est vraiment tout ce qui est liquide. donc le fort, la bière, les liquides normaux, le vin. Donc un sommelier, c'est pas seulement juste quelqu'un qui va connaître le vin, c'est vraiment tous les liquides. Donc j'étais quand même contente d'apprendre ça. Et ça, en premier lieu, ça a été une excellente soirée, c'était une très belle soirée, c'était fait sous thème de 5 à 7 un petit peu. C'était pas une grande salle, c'était vraiment quasiment cosy. Et c'est les élèves qui nous présentaient le travail qu'ils avaient fait, donc les accords de breuvage et de nourriture qui nous présentaient, c'est eux qui devaient faire le menu au grand complet. On avait 5 présentations au total, mais j'ai décidé de vous en présenter seulement 3. J'ai aussi appris qu'il y a 3 types d'accords différents. Si on parle, par exemple, d'une dégustation où on va faire justement un vin et fromage ou un bière et fromage, ce qui se voit de plus en plus, c'est t'as 3 types d'accords. T'as d'abord l'accord régional, donc un produit qui va être de la même région. Ça va quasiment être complémentaire parce que ça va être régional. Par la suite, on a justement l'accord qui est complémentaire, que ça va être quelque chose qui va se ressembler dans les 2 cas, qui va avoir quasiment les mêmes saveurs. Où on n'ira pas chercher justement la différence, mais on va plutôt venir accorder ça selon la façon que les saveurs ont d'être semblables. Et par la suite, le 3e accord, c'est l'accord oppositoire. Oui, oppositoire, oui, voilà. C'est que tu vas avoir quelque chose qui est vraiment très, très contrasté, mais les 2 mis ensemble, ça va être excellent. C'est ça qui va faire en sorte que ça va ressortir les saveurs des 2 produits différemment. Mettons, tu dis genre tacos et Pepto-Bismol, mettons. Oui, c'est ça. C'est oppositoire. Ça, c'est très oppositoire. Là. Mettons, tu veux pas faire cet essai-là. Ben, encore là, ben, peut-être. En fait, c'est complémentaire, moi, je dis. Oui, ça débat combien de tacos, Thomas. Donc aujourd'hui, j'ai comme décidé de vous présenter le premier accord, qui est l'accord régional qui nous a été présenté. C'est avec ça qu'on a commencé la dégustation. Et c'était un vin mousseux du domaine de la Voie rosée. Le domaine de la Voie, c'est ici au Québec. Et c'est un assemblage de Frontenac Gris, d'Éona et de Sainte-Croix. C'est quand même 13% d'alcool. C'est un mousseux qui est rosé. Donc, tu t'attends déjà à la base à ce que ça soit quand même extrêmement sucré parce qu'automatiquement, tu te dis, ouais. Bon, si c'est rosé, c'est bien sucré. Mais c'est pas si pire que ça. Ça a des arômes de fraises, de miel, de framboise et de melon. Je dirais que grâce à son acidité, c'est là qu'on va venir équilibrer le sucre qu'en temps normal, on croirait qu'il serait beaucoup trop agressif. Et les élèves l'avaient accordé avec un fromage de la fromagerie L'Ancêtre. Une fromagerie que je pense que tout le monde connaît, là, un petit peu partout à Trois-Rivières. Donc, le fromage, c'était le Saint-Grégoire, qui est un cheddar doux, biologique, 50% moins de sel. Donc, déjà en partant, il y a des gens à notre table qui semblaient être sceptiques puisque tu te dis, bon, je te sers un mousseux quand même assez sucré puis je te donne un fromage qui est pas super salé. Donc, on se demandait qu'est-ce que ça allait goûter un petit peu. En plus, il était sans gluten et c'était un cheddar qui était fait 100% biologique. Donc, on se demandait à un certain moment qu'est-ce que ça allait goûter, mais on l'associait souvent à la saveur acide de celle du fromage en grain. Donc, on s'en allait pour rechercher cette saveur-là. Une pâte quand même assez ferme, lisse et très, très, très onctueuse. Lorsque tu le sentais, ça sentait le beurre. Tu avais vraiment l'impression que tu t'en allais croquer dans du beurre. Donc, j'étais un petit peu sceptique, en fait, avec l'accord parce que je me disais un vin mousseux rosé, dans ma tête, c'était extrêmement sucré. Donc, la température à laquelle ça nous a été servi, parce qu'on a eu le droit à 2 services du même vin, c'est là qu'on s'est rendu compte que la température à laquelle on le servait était très importante. Parce que le premier service qu'on a eu, c'était frais, mais tu sais, c'était pas le plus froid qu'on avait vu un vin mousseux. Et on voyait les différentes arômes sortir selon les 2 températures différentes. Donc, on a eu un service où c'était quasiment température pièce et l'autre service où c'était très, très, très, très froid. Et là, vraiment, c'est drôle parce que j'y ai assisté avec ma mère, puis j'ai regardé ma mère, j'ai fait, OK, ben ça goûte pas partout la même chose chose que t'entoures selon la température du vin. Donc, on a discuté... C'est souvent demandé, est-ce que t'es capable d'en faire un chez nous? Mais en fait, on a discuté avec, avec les élèves qui nous l'avaient présenté parce qu'ils se promenaient de table en table pour justement nous faire déguster tout ça. Puis, ils nous disaient, oui, en effet, la température, selon la température à laquelle on va servir ce vin-là et ce fromage-là, bien, les arômes vont ressortir de façon différente. Mm-hmm. Donc, j'ai quand même aimé ça parce que on s'attendait à ce que ce soit extrêmement sucré, puis finalement, l'acidité de ce vin-là faisant en sorte que c'était pas mal meilleur que ce que je croyais que ça allait être. Mm-hmm. Fait que j'étais très, très contente. Mais juste la température de service de n'importe quel alcool, par exemple, va évoluer, comme tu dis, oui. Mais et aussi au niveau des arômes, mais il y a même la texture. Un vin qui va être plus froid, ou même un mousseux dans ce cas-ci, va être une petite affaire plus acide. Ça va faire ressortir l'acidité, puis elle va être froide. Puis, mettons, plus ça va être chaud, le sucre va ressortir un peu plus, puis la texture va sûrement être plus moelleuse en bouche. Exact. Aussi. Ça a vraiment un impact majeur sur beaucoup d'éléments du spiritueux ou de l'alcool. J'ai toujours bu mes affaires bien froides côté boisson, puis j'ai dit que j'aurais pu essayer de faire du kiel du chaud. C'est vrai, mais c'est parce qu'on y pense pas tout le temps que, tu sais, automatiquement, on pense que tout doit être extrêmement froid, mais à un certain moment, tu te dis, ben, un vin rouge, tu sais, je devrais pas le faire garder au froid comme je garderais un vin blanc au froid, mettons. Donc, ouais. Tu sais, de ce côté-là, tes arômes vont venir sortir de façon différente. Mais c'est pas de la glace dans votre vin, contrairement à l'erreur que j'ai fait. Je vous invite d'ailleurs à vérifier sur le site de la SEQ si vous achetez un produit. Il y a toujours une température recommandée de service. Tu sais, si on parle de 18-19 degrés, on est plus dans le temps température pièce. C'est si vrai. On parle de 4 degrés, là, on parle de frigidaire. Puis entre les deux, 10, on peut parler de peut-être une demi-heure, une heure dans le frigidaire pour juste refroidir, mais que ce soit pas complètement froid non plus. Vous allez vraiment aller chercher le maximum de votre alcool si jamais vous allez vous servir à la bonne température. C'est vraiment... ça a déjà été testé par des sommeliers et tout. Là. Tu testes la température avec un thermomètre pour le froid ou pour le péteux? Ou... Ça, c'est comme tu veux. Si tu prends celle-là pour le péteux, t'es mieux de la laver avant. Ouais, c'est ça. Pense-la à l'eau chaude, là. T'sais, ben, bien. 3-4 shots de lave-vaisselle. C'est ça. Oh, mon Dieu. Le prochain que je vais vous présenter, c'est une dégustation qui m'a quand même surprise parce que c'est sûr qu'en s'en allant dans un vin fromage, tu t'attends pas nécessairement à avoir autre chose que du vin. Mais il y a un groupe d'étudiants qui nous ont présenté un accord qui était très différent de ce que je m'attendais. C'est un accord bière et fromage. La plupart des gens, on connaît la microbrasserie Le Trou du Diable. Donc, c'était une bière du Trou du Diable qui est une fermentation en bouteille avec 10 % d'alcool. Déjà, en partant, tu te dis une bière 10 % d'alcool, je m'attends à quelque chose de très, très fort. Je m'attends à quelque chose de quand même assez amer. Mais pourtant, cette bière-là, c'est une bière qui est assez exceptionnelle parce que c'est fermenté grâce à 3 levures différentes et ça l'a vieilli 4 mois en fût de chêne américain. Donc, ça a des arômes quasiment de brandy de pomme parce que ça, les fûts de chêne dans lesquels ça a été conservé, c'était des fûts de brandy de pomme. Donc, tu as ces petits arômes-là qui te reviennent quand tu sens la bière. Et ça présente aussi un côté caramélisé, boisé, épicé. Puis, c'est drôle parce qu'au moment où nous, on a goûté cette bière-là, on a zéro goûté tout ce qui était épicé, boisé. On a surtout goûté les agrumes qu'il y avait à l'intérieur. Puis là, on a posé la question à savoir si c'était normal, parce que en temps normal, on goûtait pas le caramélisé et tout ça, et certaines personnes à notre table, eux, le goûtaient très bien, tandis que nous, on percevait pas mal plus le citron, l'agrume et tout ça. Et on s'est fait dire, en fait, que c'était probablement parce qu'on mangeait beaucoup d'agrumes à la base. Donc, notre langue a une reconnaissance de l'agrume qui est beaucoup plus développée que, par exemple, le caramel ou le boisé qu'on goûte pas nécessairement tout le temps. Donc, c'est pour ça que chaque personne à la table pouvait ne pas goûter la même chose parce que ça pouvait différencier de ce que tes papilles gustatives sont habituées de reconnaître. Et j'ai adoré cette bière-là. C'était vraiment très, très bon. Ça nous a été présenté avec un fromage bleu. Je vous dirais que déjà à la base, moi, le fromage bleu, puis moi, on s'entend pas super bien. Une petite chicane gustative. Mais je trouve à la base que le fromage bleu, c'est déjà fort. Mm-hmm. Celui-là, il était quand même extrêmement doux. Là. On retrouvait des arômes de noix, de caramel, puis tout ça. Par contre, je pense que je peux pas m'enlever dans la tête que quand je goûte du fromage bleu, j'ai l'impression que ça goûte le foin. Fait que c'est comme brillé avec cette image-là, mais j'ai vraiment adoré cette bière-là. C'était bon en bouche. L'acidité au niveau de la bière nous a vraiment surpris. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai tant apprécié. C'est que je retrouvais ce petit côté citronné-là que j'apprécie. Mais quand même avec certaines épices que tu t'attends pas nécessairement. Bon, par exemple, la cannelle, tout ça, ça revenait à un certain point dans la bière. Puis, c'est pas une bière... je suis pas du type microbrasserie beaucoup parce que les bières, justement, qui sont fortes, qui sont amères, j'ai eu un petit peu plus de difficulté avec ça. Tandis que celle-là, 10 % d'alcool, j'ai pas de problème, là. C'était excellent, là. Tu sais, nice. Fait que je vous invite, en fait, si jamais vous avez l'occasion de pouvoir vous procurer ces produits-là, je vous le répète, le premier accord, c'était un accord régional. Je mettrai les informations sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Vous allez facilement pouvoir retrouver ça à la SAQ. Même chose pour la bière du Trou du Diable. Vous pouvez la retrouver au Trou du Diable directement ou dans certaines épiceries. Donc, c'est quand même assez facile de retrouver tout ça. Même chose pour les fromages. Et faites l'expérience, justement, de goûter votre fromage en goûtant votre bière. Des fois, on n'y pense pas. On prend un fromage en grain, là, ben normal, pour pouvoir boire une Coors Light. Mais des fois... c'est ça. T'sais, des fois, ça fait la différence d'essayer, par exemple, une bière de microbrasserie avec un fromage un petit peu plus raffiné. Ouais. C'est ça, tu as parlé d'une bière vieillie pendant 4 mois dans du champ américain. Ils devraient les mettre dans des chaînes américaines comme HBO, puis AMC, puis avoir du Walking Dead. Oui, on pourrait faire ça. Ben oui, exactement. Ça serait pas pire. Toi, Mathieu, de ton côté, comment ça se passe, le repos? Ouais, ben justement, le temps file, c'est très rapidement. Juste pour rappeler, je fais des jeux de mots comme ça tous les matins, comme pour amuser un public qui est compris principalement de moi-même. Oui, c'est ça. Et pour remettre Alain, Alex, Alain, voyons. Alain? Alex ou Alain? Alex, salut Alex. Salut. À l'intérieur ou à l'extérieur, c'est un choix. Donc, plutôt cette semaine, j'ai parlé des. En fait, j'ai inventé des mots pour ce que je vis dans ma vie tous les jours, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, j'avais tranquillosé. J'ai eu Netflix and Pill. J'ai fait hier reparesser et ménagérer. Exactement. Aujourd'hui, j'ajoute 2 autres mots. Je pense que mon préféré est là-dedans et je pense que le deuxième va être ton préféré. OK. Donc, pour commencer, je passe tellement de temps sur mon divan à passer le temps, à attendre que le temps passe, que j'ai appelé ça, et j'ai la misère comme à respirer tellement que je dors tout le temps sur le divan, que j'appelle ça de l'hyperventilation. L'hyperventilation? Oui. Très bonne, c'est bien, très bonne. Ouais, merci, je l'aime bien. Et pour toi, tu viens juste de parler de vin et fromage. Moi, comme je suis en arrêt de travail après m'être cassé le bras, ben, ouais. Si on se rappelle de l'histoire, on ne la répétera pas à toutes les 2 minutes. Non, c'est ça. Mais... je me suis dit, faut que je m'inscrive à l'assurance emploi parce que j'ai pas l'air d'être payé pour ce que je fais à la maison. Donc, j'appelle ça du vin chômage. Du vin chômage, ben oui! Hein? C'est pas pire, ça, Matt. Bon, c'est une bonne idée. Pas mal, ça, pour cette semaine. Mais merci de me prendre comme ça en fin d'émission. Je suis toujours bien content. J'écoute l'émission depuis le début. Et c'était encore super divertissant. Les 2 heures passent en même pas une demi-heure pour moi. Ah, ben merci, c'est gentil. On va te garder au téléphone pour te présenter ce que tu peux écouter un petit peu plus tard durant la journée, Mathieu. Parce que si ça te tente, on le sait, t'as rien d'autre à faire. Aidez-moi, tu restes chez vous. Fait que y a Génie à Liberté qui s'en vient à 9h30. Samuel et Steph sont déjà en studio et attendent qu'on parte. Par la suite. C'est ça, exactement. Par la suite, il y a Patriote en action à 11h jusqu'à midi. Mathieu, il n'y a pas de Mathieu Plante chaud aujourd'hui en rediffusion parce que t'es pas là. Fait que on aimerait que tu nous fasses un petit medley là, puis que tu nous poses ça à un moment donné. Il va y avoir aussi notre trottoir à 16h, Radio Sonic un petit peu plus tard. Et comme on le disait tout à l'heure, Très Blues Assez Fou va être en onde de 19h à 22h ce soir. Grosse soirée de blues. Denis va s'improviser historien en herbe et puis tu vas pouvoir écouter ça. J'ai tellement hâte que ça va être le fun. Et avec Sébastien hier qui a parlé de jeux vidéo, puis Alex de Terry ce matin, il pourrait vraiment passer au Mathieu Planchot facile. C'est vrai. On pourrait trouver des remplaçants pour ça. Merci d'être avec nous, Mathieu. Merci à vous. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine parce que c'est déjà la dernière de la semaine. Donc, on va se quitter comme ça. Merci, Alex, d'avoir co-animé avec moi aujourd'hui. Ben, ça fait merci plaisir. À mes co-animateurs aussi de la première semaine en remplacement de Mathieu Plante. Quelque chose qui est quand même assez difficile à faire, des grosses bottines à chausser. Mais je suis très contente et je vous souhaite un bon café. Bonne fin de semaine. Nous, on se retrouve lundi. Bye! Bye-bye!